Salut à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce cinquième numéro de la FCast qui va s'articuler autour du thème du jeu vidéo dématérialisé. Et pour l'occasion, je suis accompagné de trois fanas de jeux vidéo, dont une nouvelle tête qu'on n'a jamais eu l'occasion d'accueillir, qui est Antoine. Bonjour. Est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui nous écoutent? Alors moi je me présente, je suis Antoine, j'ai 19 ans, je dois être le plus jeune de l'équipe approximativement, sauf si Fabien a décidé de rajeunir. Je suis un joueur depuis maintenant, je dirais une petite dizaine d'années, j'ai à peu près parcouru tout ce qui est console portable, sans pour autant parcourir les grosses consoles, c'est-à-dire PS4, Xbox, tout ça. Moi je suis passé littéralement à côté au moment où je me suis éveillé vers notre dieu à tous qu'est le PC. Ah. Voilà, c'est bon, j'ai déjà lancé un premier pavé dans la mare. Je suis étudiant en droit, donc j'ai plus trop le temps de jouer, et pourtant j'arrive encore à trouver un petit réconfort dans cet univers très particulier qui m'a vu grandir et qui me voit toujours me développer. Ok, on est aussi avec Duncan, que vous connaissez. Bonjour, ou bonsoir, suivant à l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Et Fabien, salut, voilà. Moi, comme d'habitude, pour animer le débat, Alexis, je vais commencer par une petite question. À quoi est-ce que vous jouez en ce moment, Fabien? Sur quoi est-ce que tu poses les mains Alors, bon, moi, je suis souvent un petit peu en retard sur l'actualité. Je joue souvent à des jeux qui baissent de prix. Donc, en ce moment, je joue à God of War, le dernier en date, qui me plaît plutôt bien. Voilà. En plus, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu au moment du podcast sur les jeux de 2018. Ouais. Donc, on vous invite à aller écouter ça et... pour le moment, qu'est-ce que t'en penses rapidement? Ça me plaît bien. Bon, il y a des choses qui me déplaisent un peu. Il y a beaucoup de des choses qui sont un peu répétitives. Ouais. Et finalement, je m'attendais à un jeu un peu plus ouvert que ça, mais il est quand même assez large à parcourir. Après, je suis assez sensible à la thématique viking qui me plaît quand même beaucoup. C'est ce qui a pesé dans la balance. Tout ce qui est un peu nordique, j'aime bien. Ok, cool. Voilà, voilà. Donc, je passe un très bon moment. J'ai dû être à 10 heures de jeu. Pas d'autres jeux, t'es seulement sur celui-ci. J'ai joué à un autre jeu juste avant, un peu plus niché, qui s'appelle Battle Chasers. Ouais. Donc, c'est un jeu de rôle un peu à tendance comics au niveau du design. Donc, c'est du combat au tour par tour. J'ai quasiment fini le jeu. Il est un peu retors par endroit. Mais très très sympa pour un petit jeu presque indépendant, je dirais. Pour Battle Chasers, c'est adapté d'un comics. Voilà, c'est ça. Donc c'est normal que ça ait un côté comics. D'accord. Et du coup, vu que tu prends la parole, Duncan, à quoi joues-tu en ce moment? Moi, en ce moment, je suis en mode poser le cerveau pour jouer, pour me reposer. Donc j'ai acheté en promo à 5€ Star Wars Battlefront 2, okay, qui a défrayé la chronique à l'époque de sa sortie, et a raison. Écoutez, ma foi, finalement, il n'est pas si mal que ça maintenant. Alors c'est pas un... On va être honnête, hein, ça reste assez arcade, ça reste assez accessible comme jeu. C'est pas forcément le jeu qui va te demander à beaucoup réfléchir. Mais bon, ça se joue, c'est sympa. Puis quand on aime Star Wars... Et il y a un peu de monde sur les serveurs? Ça va, ça tourne bien. Donc, Ok. Combien de gigas de patch Oula, le fichier d'installation, pour l'instant, doit être à 80 Go à peu près. Mmh. Sachant qu'il y a eu une grosse mise à jour dernièrement qui a rajouté un nouveau mode de jeu, plutôt sympa. Donc, ok. Voilà. Et de ton côté, Antoine? Alors moi, je vais rejoindre Fabien sur l'idée de vieux jeux et d'univers nordique, parce que je me suis replongé à la demande de ma copine sur Skyrim. Voilà, vieux, nordique, très bien, très bon. Très long. Elle a eu la très bonne idée de me donner envie d'y jouer en période d'examen. J'ai réussi. Ça s'est joué à rien. Mais franchement, Skyrim, toujours aussi bon, toujours un vrai plaisir. Et c'est vrai que quand je me replonge dessus, je me dis, en fait, c'est avec les meilleurs œufs qu'on fait les meilleures omelettes, au final. Ça a toujours été comme ça. La question importante, modé ou pas? Premier ordinateur non modé, parce que je laguais trop. Deuxième ordinateur, je suis en ultra, donc je pense que je vais céder. Pas forcément les modes graphiques, j'entends, mais les modes d'interface, notamment. Modes d'interface, ça, par contre, je vais le prendre. Et les patchs communautaires qui corrigent certains bugs qui peuvent être parfois très, très chiants. J'en ai pas eu. Étrangement, Bethesda, Fallout, j'y ai joué. Skyrim, j'y ai joué. Je n'ai jamais eu un seul bug. Écoute, tant mieux pour toi. J'ai de la chance. Même les quêtes les plus buggées, légendaires, des grandes villes, etc., jamais eu de bug. Franchement, j'ai de la chance. C'est cool. Moi, c'est ce qui m'a fait décrocher rapidement, à l'époque. Moi, j'ai jamais rien eu. Je dois avoir une chance pareil, pas possible. J'ai lancé Skyrim. Bon, encore un jeu qu'il va falloir modder, etc., pour qu'il soit correct à jouer. Je l'ai laissé tomber. J'y rejouerai peut-être un jour, hein. Ça, c'est tout à fait possible. Mais bon, les jeux Bethesda, j'en ai un peu marre que ça soit un peu le... Bon, bah, c'est aux joueurs de corriger le jeu. Ouais, non, on s'arrête là. Moi, ça me saoule. Vous êtes saoulants, les mecs. Et de mon côté, ben, c'est quelque chose que j'évoquerai tout à l'heure dans la partie coup de cœur, coup de gueule, mais finalement, je joue à pas grand-chose et je continue sur les jeux habituels. Donc, toujours à fond sur Fortnite. Et par contre, je me suis légèrement replongé dans Minecraft. Ça me manquait un peu. Et même pas pour jouer avec des gens en ligne, je fais du créatif en solo juste pour me faire kiffer. Et voilà. Et est-ce que les mises à jour sont enfin sorties? Ouais, je joue en version 1.14 si je me souviens bien. Du coup, il y a pas mal de petites nouveautés. Moi, j'ai dû arrêter à l'époque de la 1.9, donc ça commence à dater. Oui, d'accord. Et maintenant, il y a genre des lamas, il y a plein de trucs. Enfin, c'est assez rigolo. Mais il y a des lamas. Ouais. Mais finalement, en fait, ça, moi, ça m'importe assez peu parce que ce que je veux faire, c'est de la construction. Donc le reste, les animaux, la survie, etc. C'est des choses qui m'intéressent assez peu. Mmh. Mais un grand classique, on y revient très facilement et c'est assez cool. Il a bugué sur les lamas. Oui, je vois pas trop l'intérêt en termes de gameplay sur les lamas. Tu peux les chevaucher, je crois. Dans Minecraft, t'as des chevaux, t'as plein de trucs, en fait. Ouais, ça, je savais. T'as des... Chevaucher du lama, spoiler, c'est... bientôt, il va y avoir des pandas. Ils seront chevauchables aussi. Exactement. Tout est chevauchable. Tant que ça se bute. Voilà. On est joueur PC ou on l'est pas, hein. Tout, hein, voilà. Ce que je vous propose, c'est qu'on enchaîne et que chacun nous présente un petit peu son actu du mois. Qui veut commencer par présenter son actu un petit peu marquante de ces dernières semaines? On va commencer par le plus jeune. Eh ben, vas-y. Bon, alors moi, d'accord. Antoine. Je vais commencer, bon, j'ai pas énormément suivi l'actualité, mais j'ai vu passer ça sur Facebook, Twitter, etc. Petite guéguerre, Rocket League, du moins le studio qui a fait Rocket League, dites-moi le nom, j'ai un petit trou. Psyonix. Psyonix, merci, qui a été finalement racheté, le terme est un petit peu gros, mais finalement qui fait son entrée chez Epic Games. Non, il a été racheté c'est littéralement. C'est une acquisition, c'est ouais. Une acquisition. Ah là, c'est encore en Epic. Cours. C'est ça, ils sont encore, c'est pour ça que je dis c'est un peu gros, ils sont encore en train de le faire. Ouais, mais c'est, bon, ça va être fait. Mais ça va être bientôt finalisé. C'est non négociable. donc, certes, l'actualité, bon... assez classique en soi, rachat d'un studio par un autre, mais au final le jeu Rocket League qu'ils ont décidé de faire par eux-mêmes qui s'envole finalement chez Epic Games et qui va peut-être quitter Steam, pour moi grosse autre qui va entre autres, ça a été annoncé, le jeu sera à terme retiré du magasin Steam, par contre le suivi est pour l'instant encore assuré. Voilà, tu vois, tu me dis pour l'instant, tu me dis machin, et là, c'est là où je me pose la question pour les joueurs Steam. Je te dis le truc officiel, hein. Oui, voilà. Non, je suis d'accord. Moi, je me fais pas d'illusions, tôt ou tard, le jeu va se barrer, hein. Oui. Voilà. Et là, le problème que je me pose, c'est ouais, bah, je pense aux gens qui ont acheté le jeu sur Steam, qui ont des cosmetics, qui ont plusieurs choses, qui ont des heures de jeu, qui ont les achievements, qui ont beaucoup de choses. Qu'est-ce qui va leur rester, au final? À mon avis, il y aura un système de migration via un compte ou autre. Ouais, c'est ça. Est-ce que les gens veulent vraiment partir? Moi, c'est pas ça qui m'inquiète. C'est pas, en fait, c'est l'illustration d'un plus gros problème qui se joue en ce moment sur PC surtout. Et en tant que joueur PC, moi, c'est quelque chose qui m'agace énormément. C'est qu'on est en train d'assister à une espèce de fracturation avec Epic Games qui fort de Fortnite, avec son gros coffre-fort, est en train de racheter des licences, des studios, etc., pour imposer l'Epic Game Store. Et la sensation, en tout cas moi, que ça donne, c'est que c'est tout à l'avantage des studios, ce qui peut se comprendre, hein. Un studio comme Psyonix, bon, c'est un petit studio indé, entre guillemets, même s'ils ont sans doute fait beaucoup d'argent avec Rocket League, et tant mieux pour eux, c'est mérité. Mais voilà, c'est vraiment une histoire de gros sous, c'est à l'avantage des studios, et très peu à l'avantage des joueurs, j'ai la sensation. Et on assiste justement avec Rocket League, bon, bah, vous aviez le jeu sur Steam, etc., bah, va falloir passer, on va vous imposer de passer sur Epic Game Store. Alors, ça m'ennuie un peu. Et en plus de ça, ils ont des arguments, parce que là, on est dans le cas d'un rachat, mais ce qu'on a découvert avec cette actualité, c'est que notamment, la commission qui est prise par l'Epic Game Store est beaucoup plus faible que... J'ai réalisé tout à l'heure, c'était 12% Epic Game Store, 20% et plus chez Steam. Sachant que... info qui est passée là il y a quelques heures que j'ai vu tout à l'heure, le boss d'Epic annonçait qu'il était prêt à laisser des jeux chez Steam à condition que Steam s'aligne sur Epic pour les commissions pour les studios. Clairement, l'objectif, c'est pas de séduire les joueurs, mais de séduire les studios en disant « Regardez, nous, on est plus éthique et on vous traite mieux que... Plus éthique, c'est probablement discutable, mais on... bon, déjà, c'est pas le sujet où on en parlera peut-être un peu tout à l'heure, mais on va pas trop rentrer dans le débat aussi, parce que le petit souci aussi avec ça, c'est que ça soit sur Twitter, Facebook ou les forums, on peut lire, entendre, voir tout et n'importe quoi sur le sujet. Mmh. Et comprendre qui dit la vérité, ou etc. Donc tout ce lot d'informations, c'est vraiment très difficile. Moi, ce que je retiens surtout, c'est quand même dingue, on est sur PC, on est en train d'assister, enfin, j'ai l'impression de me sentir de moins en moins libre sur PC que sur console, alors qu'à une époque, on se disait, ben non, le PC, c'est la liberté, tout ça, on peut faire ce qu'on veut avec nos jeux, et plus les années passent, plus j'ai l'impression qu'on est en train d'assister à un environnement de plus en plus, pas toxique, mais vraiment malsain, quoi. Mmh. C'est... Et les prix aussi, les pourcentages, les commissions baissent, mais les prix ne baissent pas. Oui, Borderlands 3, c'est 60€ sur PC. Point. T'as pas le choix. C'est pas 40, c'est pas 50, c'est 60. Moi, la seule chose sur laquelle je serais optimiste quant à ce rachat, c'est que on sait que Rocket League, c'est un jeu qui est encore très joué sur la scène e-sport, qui est très mis en avant, et qu'on sait le souci qu'a actuellement Epic de mettre ses licences en avant sur la scène e-sport, en organisant des tournois, des compétitions, en finançant des tournois et des compétitions organisées par d'autres. Mmh. Et du coup, ça permettrait de donner une vie encore plus forte sur cette scène au jeu. Et là-dessus, moi, c'est la partie qui me réjouit de cette actualité, même si le reste m'embête beaucoup plus, quoi. Après, on va finir sur deux points, vite fait. De toute façon, faut pas se leurrer. Moi, je suis pas Epic Game Store, mais bon, il y a un moment ou un autre, on finira peut-être par y arriver. Surtout si on finit par trouver des jeux à 5€, etc. Pour l'instant, il n'y a pas de promo, il n'y a rien de tout ça. Bah, il y a quand même un jeu gratuit toutes les deux semaines. Bah, pour l'instant, les jeux gratuits, moi, je les ai déjà depuis longtemps. Hein, donc, aucun intérêt. Mais je peux comprendre que pour le jeune public qui découvre via Fortnite, ça les intéresse. Hein, carrément. Je suis tout à fait d'accord. Le deuxième point, c'est que pour l'instant, il y a l'histoire de la concurrence, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais moi, j'ai pas l'impression que cette histoire de concurrence soit à l'avantage des joueurs, consommateurs, encore une fois. Mais surtout, ça fait plusieurs fois que j'entends Steam, ils vont réagir. Ils réagissent pas. Il n'y a pas un mot de Valve, Steam. Mm-hmm. Ils ne disent rien. La dernière actualité de Steam, c'est leur Steam VR qu'ils ont annoncé il y a quelques jours, à plus de 1000€, comparativement à ce qu'a annoncé Facebook avec l'Oculus, quasiment pour moitié prix. Ça fait mal, quoi. Ça fait bizarre. Mm-hmm. Mais ils annoncent rien. Ils ont pas annoncé de jeu. Les joueurs PC, etc., ne rêvent déjà plus depuis longtemps de Half-Life 3. Mais bon, on aurait eu un Half-Life VR, on aurait dit, bon, bah, au moins, il y a quelque chose. Mais non, il n'y a rien eu, aucune annonce. Les mecs, ils sont juste contentés de mettre une image pour... Ouais, bon, écoutez, début mai, on vous annonce le Steam VR. Ils ont mis la page de précommande, on a les infos. Et c'est tout. Il n'y a aucune communication. Les commissions, on ne sait toujours pas s'ils vont les baisser ou pas. Et il n'y a pas que Steam que ça ennuie. Il y a une autre plateforme, moi, que j'aime beaucoup, c'est GOG. Parce qu'eux aussi, pour vivre, bah, ils ont le même tranche de commission. Et ils ont annoncé il y a quelque temps, pendant un moment, ils ajustaient l'euro-dollar. Ils ajustaient dans les tarifs. Ils ont dit, on va arrêter ça parce que nous, avec ce qui se passe avec l'Epic Game Store, financièrement, on a du mal à tenir, donc on va être obligé de renier là-dessus. D'autres actus à présenter, les gars, ou... À qui le tour? Vas-y, Duncan. Alors moi, je vais revenir sur une vieille actu, dans le sens où elle a quand même maintenant à peu près 2 mois. C'était sur le dossier de Kotaku sur Anthem, et plus particulièrement sur le développement assez chaotique d'Anthem. On en apprend drôle. Sur des décisions, des non-décisions, sur le fait que le jeu a été développé à la va-vite, ce qui explique pourquoi le jeu est une si grosse déception. Donc, le dossier est en anglais chez Kotaku. Si vous comprenez bien l'anglais, pas de souci, allez le lire, je vais pas vous faire un résumé. Sinon, vous pouvez aller voir du côté de Gamekult, qui est de mémoire, qui propose de mémoire le meilleur résumé en français de ce dossier. Okay. Voilà. Et par extension, je voulais revenir aussi un peu sur les petites actualités qu'on voit régulièrement sur les crunchs, sur la situation des développeurs, etc. Je crois me souvenir qu'à la dernière émission, on avait eu une actualité comme quoi, après le je crois que c'est Activision qui avait licencié plusieurs développeurs, voilà. Alors que franchement, c'est pas les plus pauvres en matière de studio, loin de là. Donc voilà pour Rapotique. Ouais, Bobby Kotick, bon. Bref. Mais c'est vrai qu'en ce moment, les conditions de travail dans le milieu du jeu vidéo commencent à devenir un vrai sujet d'actualité, relayé, etc. Après, et ça prend de l'ampleur. C'est pas nouveau dans le sens, ça fait déjà plusieurs années qu'on en parle plus ou moins. Et aussi, ça fait plusieurs années que certaines choses sont connues. Le crunch, c'est pas nouveau. Le problème, c'est qu'entre-temps, les sociétés ont grossi, les sociétés ont gagné en argent, et qu'on parle maintenant de grosses boîtes. Mmh. Voilà, c'est plus les petits studios... oui, qui n'ont pas les moyens. Qui n'avaient pas les moyens à l'époque, ou voilà, qu'il fallait finir le jeu au dernier moment, parce qu'il y a, voilà, on n'avait pas forcément non plus la possibilité de patcher les jeux tout de suite après. Fallait que le jeu soit fini, etc., donc sur les dernières semaines, voilà. Mais à l'époque, c'était, entre guillemets, excusable. On pouvait encore dire, bah, c'est la passion, etc. Les développeurs eux-mêmes le disaient. Mais là, les langues se délient de plus en plus. Bon, il y a aussi un peu de comment dire, un peu de, enfin, de magouillage. Parce que moi, ça m'a fait sourire de voir un article sur le crunch chez NetherRealms à l'occasion de la sortie de Mortal Kombat 11. Le crunch concerne Injustice 2, qui est sorti il y a un an, deux ans. Ouais. Donc, bon, c'est un petit peu gros quand même. Ouais, le coup, là, c'est très gros. C'est quand même très gros. Mais voilà, les faits sont là. Et bon, c'est toujours bon de rappeler que bah, malgré tout, même si on aime beaucoup le jeu vidéo, ça reste quand même une grosse industrie derrière. Oui, et vraiment la différence, c'est qu'avant, on le savait, mais c'était peut-être pas forcément le cas du grand public. Maintenant, c'est des questions qui sont exposées aussi dans les médias mainstream. Il y a des dossiers dans Le Monde, dans les grands journaux. Donc, c'est ça qui est en train de changer. Regarde, après la sortie de Red Dead 2. Oui, quand il y a toutes les affaires qui sont sorties. C'est aussi une manière de montrer que voilà, aujourd'hui, l'industrie est aussi reconnue. Que c'est un média qui fait complètement partie de la culture et que ces sujets-là sont traités aussi dans les médias grand public, là où à l'époque, justement, on était au courant via les game cultes, etc., mais ça, le très grand public le savait pas. Et encore, pour faire grosso modo une différence, à l'époque, tu le savais, si tu regardais les crédits jusqu'au bout des jeux, des fois, t'avais les remerciements des développeurs à toute leur famille parce qu'ils avaient passé des heures et des heures sur les dernières semaines. Tu avais ça à la fin de certains jeux, moi je m'en souviens encore. Et mais tu l'avais pas sur les grands médias comme ou les magazines, on voyait pas ça du tout même d'ailleurs. J'ai pas souvenir d'avoir lu ça dans un magazine à l'époque. Je parle l'époque dans les années 2000. Hein, ouais. Voilà. Et aujourd'hui aussi l'autre différence c'est que les développeurs le disent aussi maintenant. Ouais, ils s'expriment eux aussi. Ouais. Alors le plus souvent c'est des développeurs qui ont quitté ces boîtes ou qui se sont fait licencier de ces boîtes, c'est selon. Mais qui eux aussi maintenant prennent de plus en plus la parole et disent ouais mais attendez moi quand j'étais chez eux c'était vas-y à fond tu crunch ou alors si tu faisais partie de tel ou tel département t'étais pas forcément bien traité ou t'étais mis dans un bureau sans fenêtre ni rien, enfin voilà, ça commence vraiment à prendre de l'ampleur, à s'exprimer et le dossier en thème n'en est qu'une illustration parmi d'autres et elle est surtout l'illustration que ça impacte aussi les jeux, bien sûr, voilà. On n'est plus non plus dans le « ouais, mais bon, c'est que les développeurs, etc. » Bon, c'est un peu égoïste, peut-être, de dire ça, un peu pas très moral, pas très Charlie, mais bon, ouais, ça se voit pas sur le jeu, ouais, bon, mais non, maintenant, ça tape aussi vraiment, ça concerne vraiment le jeu en lui-même, donc les joueurs, donc le public, ça se voit. Bah, ouais. Merci pour ces deux actus. Fabien, tu avais aussi une actu à traiter ou... Alors oui, j'ai une actu qui est vraiment en raccord avec le gros sujet du jour, parce que je vais parler d'une nouvelle console qui a été annoncée il y a quelques semaines. Donc console entre guillemets. C'est plutôt une plateforme. Moi, je dis quand même console parce que bon, c'est potentiellement... Ouais, c'est une plateforme. Peut-être. Bah, ils vont proposer... Bah non, on veut pas proposer de boîte même. Non, il y a tu peux... Ils vont proposer une manette, tu utilises la manette et tu peux jouer avec. Voilà, et donc tout le monde se dit, mais qu'est-ce que c'est? C'est la plateforme donc de Google qui s'appelle la Google Stadia. Donc ce sera une plateforme de streaming de jeux vidéo qui permettra de jouer à n'importe quel jeu, enfin en tout cas ceux qui seront adaptés sur la plateforme dans une qualité normalement optimale. Mais du coup comme qui dit streaming dit également connexion internet suffisante nécessaire pour pouvoir justement avoir le flux global entier. Sans être vraiment, enfin, ça peut être un problème finalement au niveau de la qualité, parce que ceux qui n'ont pas de fibre, pourrait justement avoir une qualité moindre, comme c'est le cas sur YouTube par exemple, quand tu as une mauvaise qualité, on est en 320p. Tu prends l'exemple Netflix, hein, tu as plusieurs abonnements suivant la qualité que tu veux, l'abonnement standard, l'abonnement HD, donc je crois que ça doit être le... Si je dis pas de conneries, hein, ça doit être 720p, et puis tu as le full HD, donc 1080, 4K, etc. Alors il me semble que l'intermédiaire est quand même sur du 1080p. Sur du 1080, je crois, quand même. D'accord. Donc, voilà, c'est un peu le même principe du Netflix, c'est-à-dire que si la connexion ne suit pas, on a une baisse de qualité. Bien sûr. Donc, qu'est-ce qui va en être dans les faits pour la Stadia? Est-ce qu'on, si on a une connexion modeste, est-ce qu'on va pas avoir justement ce problème de qualité qui se réduit au fil du temps, en cours de partie, par exemple? C'est un vrai problème. Techniquement, Google a les moyens et la technologie m'inquiète. Pour le faire, contrairement à d'autres expériences passées qu'on a eues. Bon, on en parlera tout à l'heure, mais sur le plan technique, je m'inquiète pas plus que ça. Parce honnêtement, aux dernières nouvelles, ce qu'il disait, ce que Google avait tendance à dire, c'est qu'il fallait à peu près 20 à 25 mégabits par seconde minimum pour avoir une qualité suffisante, et au moins 30 mégabits par seconde pour avoir de la 4K, pour des écrans compatibles. Ce qui est plutôt pas mal, mais rapporté à l'ADSL, sachant que l'ADSL, alors je parle ADSL, hein. Parce qu'on a la VDSL encore. Ouais, VDSL, c'est au-dessus, on est dans une moyenne de 20-25 mégas. En moyenne, j'entends, sachant que moi, on est, là où j'habite actuellement, j'ai 15 mégas et encore, ça dépend des jours. Donc, ça s'adresse clairement pas à moi pour l'instant. Voilà. Par contre, chose que tu as oublié de préciser, et c'est ça la vraie spécificité de Stadia, c'est que justement, il n'y a pas de console et que l'idée, c'est que les serveurs de Google stream, on va dire, la puissance de calcul, et qu'on peut commencer sa partie sur sa télé connectée, la continuer sur son ordi, et la finir même sur son smartphone. C'est ça. Et en fait, on a juste besoin d'une connexion Internet et d'une manette. C'est ça, exactement. Et puis aussi... D'une manette, je croyais que tu parlais de la manette Stadia, mais la manette Stadia en elle-même est même pas obligatoire. Non, ça peut être une autre manette. C'est moi qui suis. Et aussi intérêt, c'est aussi très relié à la plateforme YouTube, notamment pour diffuser des parties, pouvoir rejoindre des parties. Twitch aussi, non? Pardon? Ils ont annoncé pour Twitch aussi, ou c'est moi qui... Comme c'est Google, en fait, je pense qu'ils vont mettre YouTube en priorité. YouTube, et c'est marqué sur leur site YouTube et autres. Ouais. À mon avis, ce qui risque de se passer, c'est que quand on lira, par exemple, un article sur jeuxvideo.com qui parle du jeu vidéo, on pourra cliquer sur le titre ou bien sur une illustration et ça lancera le jeu sur la plateforme. Idem sur YouTube. À mon avis, sur Twitch. Après, Twitch, il y a quand même conflit d'intérêts entre Google et Amazon, quoi. Mais voilà, c'est vers ça qu'on tend. Après, Google a aucune raison de mettre en avant Twitch, sachant que maintenant, il y a le streaming sur YouTube aussi. Hein. Complètement. On peut streamer sur YouTube. C'est ça. Puis après, d'autres infos peut-être sur... Rapidement, ce qu'on peut avoir peur souvent avec une nouvelle console, enfin une nouvelle plateforme, on va dire, qui arrive sur le marché, on pourrait se dire, bon, est-ce que c'est suivi par les éditeurs, par les développeurs et or ça, là, c'est le cas. D'un côté, c'est la force de frappe de Google. Eux peuvent arriver avec des très très très gros moyens. C'est compliqué en tant qu'éditeur de dire non à Google. Il y a des différents développeurs comme id Software ou Ubisoft justement qui ont annoncé le prochain Doom là-dessus. Quand même, Doom Eternal. Oui. Le jeu qui a été utilisé pour la démo, c'est Assassin's Creed. Du coup, on sait qu'il y a une vraie relation entre Ubisoft et Google, comme à l'époque entre Ubisoft et Nintendo pour la Wii. Après, c'est pas pour taper sur Ubisoft, mais Ubisoft bouffe à tous les râteliers de toute façon. Et tu leur présentes un nouveau truc, ils vont dessus et ils voient si ça marche ou pas. C'est ça. Donc, voir Ubisoft, moi, ça m'a pas étonné. Voir Doom Eternal, là, par contre, ça m'a plus étonné, sachant que j'ai adoré le précédent Doom, et qu'aussi, id Software est connu pour proposer des moteurs. Si t'arrives à faire tourner ça, mon gars, c'est gage de qualité. C'est ça. Puis du coup, ils ont aussi annoncé un studio first party. Donc Stadia Games and Entertainment, fondé par Jade Raymond, qui a travaillé notamment sur Assassin's Creed, premier du nom, chez Ubisoft. Qui a fait un petit tour chez Electronic Arts aussi pendant un moment. Qui a passé par là, qui a aussi fondé son studio indépendant à un moment donné aussi, il me semble. Donc du coup, ils donnent les moyens chez Google pour attirer un peu le gamer, et surtout le grand public. Donc il y a quand même pas mal de choses à voir à ce niveau-là. Mais on en parle un peu plus en détail tout à l'heure. Et dernière chose, vas-y. Potentiellement, cette console serait prévue pour... Cette plateforme. J'arriverai pas. Hein. Non, c'est bon. C'est pas grave. Cette console fantôme. Elle a existé, la fantôme, en plus, et c'était pas là. Je crois que tu ferais mieux d'éviter ça. Honnêtement, tu ferais mieux. Donc, serait prévu pour... C'est que c'est pour cette année, quoi. Voilà. C'est ça. Parle d'une quinzaine d'euros. Et donc ils annonceraient aussi, pas mal de jeux cet été. Ils en révéleront un certain nombre. D'après ce qui avait été annoncé, c'était même, je crois, été ou fin de l'été pour les États-Unis et le reste du monde en fin d'année. C'était ça au départ, mais j'ai lu des actus récemment, ce serait un petit peu reporté. Ah ouais, donc ce serait pour tout le monde fin d'année 2019. Sans être sûr, peut-être. Ok. On passe à mon actu. Bien sûr. Alors moi, c'est un tout autre registre, et je voulais juste évoquer, ce sera très rapide, le départ de l'ancien président de Nintendo America, qui n'est autre que Reggie Fils-Aimé, qu'on connaît tous avec son allure un peu de Donkey Kong, qui a été transformé avec le temps en véritable mème sur Internet. Voilà, c'était histoire de souligner un petit peu ce départ qui marque quand même un vrai point de bascule dans l'histoire de Nintendo, parce que c'était devenu clairement une des très très très grandes figures du géant japonais à travers le monde. Et chose que j'ai trouvé assez amusante, c'est que le jour même de son départ, il a ouvert son compte Twitter. Et c'est assez drôle de se dire que jusque-là, il n'avait pas de compte Twitter, ce qui veut certainement dire que Nintendo l'empêchait, entre guillemets, d'avoir un compte Twitter. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'au départ, il a pas principalement tweeté sur son départ de Nintendo. Et assez rapidement, il a commencé à tweeter aussi sur d'autres jeux vidéo. Et assez récemment, il a fait un petit tweet sur Hideo Kojima. Donc clairement, on comprend que Nintendo devait bloquer la possibilité à ses représentants d'avoir des comptes à leur nom propre. Et que, voilà, dès qu'il est parti, il en a profité pour pouvoir s'exprimer. Sa bio Twitter est très drôle. En gros, il met qu'il aime bien bousculer et brusquer un peu les choses en mode « je suis un gros troll », quoi. C'est assez drôle. Bah, voilà. C'est ce qu'il avait fait à sa première apparition de l'E3. Hein. Ouais, complètement, complètement. Tout le monde s'en souvient. C'était tout ce que j'avais à dire sur cette actu. Ce que je vous propose, vu qu'on a traité toutes nos actus, c'est qu'on passe assez rapidement au coup de cœur et coup de gueule de chacun. Qui veut commencer par présenter un petit coup de cœur au coup de gueule ? Vas-y Fabien, tu as l'air enthousiaste comme jamais. Non, moi ça va vite fait, c'est un coup de cœur, c'est une séquence de gameplay qui est sortie récemment pour un jeu que j'attends énormément, qui est donc Borderlands 3. Tout le monde ici n'est pas d'accord avec moi sur Borderlands, mais bon, peu importe. Même pour la séquence de gameplay. Hein. Voilà, ben, voilà. Il n'y a rien de changé, moi je vois pas la différence. Effectivement, c'est un jeu qui parle vraiment beaucoup à ceux qui ont apprécié les deux premiers. Enfin, les trois sont, enfin, si on compte le troisième, préquel. Moi, ça me plaît bien. On retrouve le même humour, un peu décapant des premiers épisodes. Pas mal de possibilités en termes de customisation, un nouveau monde. Enfin, c'est le même monde, mais des nouveaux niveaux, des nouveaux environnements à parcourir. Seul ou à quatre. Planète, quand même. Mais je sais pas, j'ai pas vérifié à ce niveau. Il y a déjà une date de sortie, j'ai pas ça en tête. Hein. C'est en septembre, alors j'ai plus la date. Ok. 19, ah, donc 29, ouais. Et selon l'actu, avec une exclusivité sur PC, justement, sur l'Epic Game Store, d'après ce qui est dit actuellement. Ouais. Celle-là ne me dérange pas. Ouais, non. Je précise que j'ai redonné sa chance au premier Borderlands avec la sortie de la version remaster, ouais. Etc. Je suis désolé de le dire, moi je me suis toujours autant emmerdé. Alors, et pourtant, je vais faire mon c'est troll. C'est plat, mais plat. La musique est ennuyeuse, le gameplay est d'une platitude affolante. Moi, ce que je vous propose, quand on joue seul, je précise, c'est qu'un de ces quatre, on se battra tout à l'heure. Ouais. Un de ces quatre, on fait un podcast spécial Unpopular Opinion. Ça, ce serait génial, quoi. Ah, c'est une belle idée. Ça pourrait être vraiment drôle. On se garde l'idée de côté. C'était ça ton coup de cœur C'est un coup de cœur, donc c'est une grosse attente pour moi. Antoine ? Moi, mon coup de gueule, c'est pour rebondir avec ce que je disais tout à l'heure avec Rocket League racheté directement par Epic. Pour moi, c'est plus, on va commencer sur un fait un peu plus de privé. C'est-à-dire que j'ai acheté un ordinateur récemment, je suis très content, voilà, ça marche. Bref, j'ai installé Steam, voilà, pour pouvoir jouer à mes jeux. J'ai installé Epic Games, pour pouvoir jouer à mes jeux. J'ai installé Origins. Pour pouvoir jouer à mes jeux. J'ai installé Uplay, pour pouvoir jouer à mes jeux. J'ai installé Battle.net, pour pouvoir jouer à mes jeux. Ouais, bah, au final, avec tout ça, je peux jouer à mes jeux, mais je me retrouve avec une quantité incalculable de comptes, avec des codes, des mots de passe, etc. Alors que je pourrais avoir tout sous le même nom, sous le même truc, sous le même concept. Certes, je comprends qu'il y a la concurrence. C'est-à-dire, certes, je comprends qu'il y a la concurrence, qu'il y a les règles. C'est comme si on me disait, demain, tous les grandes surfaces sont réunies sous la même personne. Je comprends qu'il y a la concurrence, je comprends que chacun ait envie d'avoir son petit bout de gâteau. Mais derrière, ce qu'on disait tout à l'heure, et l'utilisateur, l'usager dans tout ça, il fait comment ? Il se retrouve à avoir son compte Steam, qu'il essaye de voir grandir, ses jeux qu'il essaye d'avoir dans un coin. En parallèle à ça, son compte Battle.net, sur lequel il est content, il a ses jeux, ses amis. Encore. Et en plus, maintenant, on a Discord qui a décidé de lancer son propre petit magasin. Bon, après, Discord, c'est plus pour les utilisateurs décidant de soutenir Discord avec le Nitro. C'est plus une contrepartie. Pas vraiment une vraie plateforme en soi, mais après, ça va être quoi ? Ça va être Facebook ? Ça va être Google ? On reprend le parallèle avec toi, Fabien. Ça va être quoi ? On se retrouve avec des utilisateurs... Twitch, voilà. On se retrouve avec des utilisateurs qui sont obligés d'être sur tous les fronts pour des jeux qui, au final, pourraient être presque tous sous le même nom. Moi, ce que je te propose, on entend ton coup de gueule, mais c'est qu'on en reparle tout à l'heure pendant le débat, parce que j'ai vraiment des choses spécifiquement à dire là-dessus, mais autant garder ça pour le débat sur le dématérialisé. Quoi. Oh, le teasing Ouh, restez jusqu'à la fin, voilà, mettez vos pouces bleus, c'est pour le watch time. Voilà, moi c'est le coup de gueule du gars qui se retrouve à devoir tout télécharger, que ça prend un temps fou et que ça saoule tout simplement, qu'ils s'amusent à se battre entre eux. Il y a un moment où il va falloir que je fasse des concessions, où Youplay ça dégage de toute façon. Et ouais. Alors, déjà, bienvenue sur mon PC. Voilà. Par contre, je note un truc, petit coup de gueule entre parenthèses, t'as pas cité GOG et ça c'est pas bien. J'utilise pas. Ah bah vas-y. Voilà. Bon, va sur GOG, CDRM free. Battez-vous. Tu télécharges. Bon, j'en installe un autre, allez, c'est reparti. Non, lui, c'est un site, t'es pas obligé d'installer GOG Galaxy. Ouais. Tu peux acheter des jeux et tu télécharges le jeu. L'installeur. Il y a un bundle aussi. Et il peut rester où tu veux sur ta disquette, sur ta clé USB ou autre. Tu en fais ce que tu veux. On savait que t'étais un rétro gaming. On voit le vieux ici dans la salle. Ah oui, non, mais GOG, au-delà du rétro gaming, c'est la meilleure plateforme. Et toi, Duncan, ton coup de cœur ou ton coup de gueule? Alors, mon coup de cœur, si vous avez écouté le précédent podcast, ne surprendra absolument personne. Ça concerne encore une fois GOG, je suis désolé. Merci Blizzard. Comme promis, Warcraft 1 et 2 sont désormais disponibles sur GOG, soit séparés, soit en un seul pack pour 14€ environ. En sachant que le premier Warcraft a été à peine retravaillé, a été rendu compatible avec les machines modernes, il tourne avec DOSBox et c'est tout. C'est le jeu d'origine, c'est le jeu brut d'origine. Warcraft 2, en revanche, a subi un petit retravail comme le premier Diablo, histoire que ça soit plus confortable sur les machines modernes. Et il n'a fallu attendre que 2-3 jours pour avoir la version française. Bravo à GOG d'avoir été très réactif. Et si vous voulez vous marrer un bon coup, sachez que le YouTuber Bob Lennon a fait un pack de sons et de voix pour Warcraft 2. C'est à mourir de rire. Ok, voilà. Bon bah c'est cool ça. On enchaîne avec le mien. Alors pour moi, exceptionnellement, ce sera ni un coup de cœur ni un coup de gueule, mais je dirais même un coup de mou, dans le sens où je trouve que cette année, je me fais très très chier sur la scène du jeu vidéo. Il n'y a pas grand-chose qui me tente, il n'y a aucune sortie qui arrive à m'enthousiasmer depuis quelques mois. Red Dead, même pas ? Pas spécifiquement. En plus, Red Dead, ça commence un peu à dater maintenant. C'est fin de l'année dernière. Mais là, j'ai l'impression que cette première moitié d'année 2019 sur la scène jeux vidéo est particulièrement ennuyeuse. C'est soit des choses qu'on a déjà vues, revues, et finalement, c'est pour ça que tout à l'heure, quand je vous disais ce à quoi je jouais en ce moment, bah, c'est la même chose que l'année dernière, parce que il y a assez peu de choses qui arrivent à m'enthousiasmer. Quand même du côté des indés, quand même, qu'il y a toujours quelques petits jeux intéressants. Ouais, là, dernièrement, il y a rien de foufou. C'est pour ça que je passe. Il y a rien d'exceptionnel. Même moi qui suis très fan de Nintendo, là pour le moment Nintendo nous sort rien d'enthousiasmant. On attend des sorties, mais c'est la prochaine grosse sortie, c'est Animal Mario Crossing. Non, c'est Mario Maker. Non, Animal Crossing. Quand même. Oui, aussi, mais je parlais en termes de date. Je parlais en termes de date, c'est Mario Maker 2. Je pense que tu parles en termes d'enthousiasme. Voilà. En termes d'enthousiasme, Mario Maker, pas plus que ça, perso. Ah si, moi j'adore le concept. Moi j'attends toujours l'annonce de la trilogie Metroid Prime, mais bon, ça c'est personnel. Mais voilà, je sais pas, je trouve que pour le moment, cette année est un peu chiante, et on n'a trop parlé de l'E3, mais c'est la première année où vraiment je me dis, je n'ai quasi aucune attente concernant l'E3. Quoi. Bah déjà, peut-être pas Metroid Sony. Prime 4, quoi. Ah bon, pourquoi? Ah bah Sony, mais par ça, PS5 prépare l'annonce de la PS5, donc eux ils sont pas le 3. Donc voilà, moi c'était le coup de mou cette année, enfin cette année, cette semaine. Shaimet avait une demi-molle. Bip. Dites-toi. Là, je vais avoir du boulot au montage. Débrouille-toi avec ça. Je vais avoir du taf, mec, je vais avoir du taf. Mais je pense que je vais le laisser. Je vais le laisser. Pour la beauté du geste. Ce que je vous propose, c'est, comme on a beaucoup évoqué ces questions dématérialisées, qu'on enchaîne tout de suite sur le débat. À mon avis, on a beaucoup de choses à dire. Je vous préviens à l'avance, je vous laisse légèrement plus d'une heure. Pas beaucoup plus. Le sujet du jour, jeux vidéo vers le tout dématérialisé, c'est la question qu'on va se poser. Je pense qu'on n'a pas tous exactement le même avis, la même vision des choses. Par quoi est-ce que vous voulez commencer? Est-ce qu'on fait un état des lieux déjà du marché? Moi, ce que je peux faire, si vous voulez. En quelques chiffres, on sait que le marché du dématérialisé sur console s'est multiplié par 2 sur l'année 2018. On a eu beaucoup d'actualités récentes qui vont dans cette direction. Google avec Stadia récemment. On sait que la prochaine console de Microsoft devrait aussi aller complètement dans cette direction. Non, pas complètement, puisqu'ils vont proposer 2 types de consoles, a priori. Une classique, ouais, et une entièrement dématérialisée. Et la Xbox One S, je sais plus quel machin, de toute façon je m'y perds dans les noms, entièrement dématérialisée, donc il n'y a pas de lecteur. C'est ça. Et sortie début mai aussi. C'est pas la Scarlett, ça? Nom de code Scarlett? Non, c'est une nouvelle version de la Xbox One S. Ah oui, d'accord. Oui, sans oui, le lecteur Blu-ray, entièrement dématérialisé. Tout à fait. On sait que Sony a lancé son pass mensuel, tout comme Microsoft. Bref, tous les indicateurs vont dans la direction du dématérialisé. Sur le marché du PC, n'en parlons pas, on sait que le marché du dématérialisé, c'est 95% des ventes. Et encore là, on est sur des chiffres de 2017, donc pour 2018, j'ai même pas de chiffres. À mon avis, on doit être aux alentours des 98%. De toute façon, sur PC, c'est clair, le marché de l'occasion n'existe plus. Vous achetez un jeu en physique, c'est un code que vous récupérez et vous téléchargez le jeu. Donc de toute façon, sur PC, les choses sont claires. Depuis un certain temps déjà. Oui, depuis quelques années. Moi, la première question que j'aimerais vous poser, c'est, suite à ce constat, dans quelle position vous êtes, en quelque sorte? Qu'est-ce que vous pensez un petit peu de cet état des lieux? Et qu'est-ce que vous imaginez, rapidement, en quelques mots, pour les années à venir? Sniff, il est loin, le temps. Avec les belles grosses boîtes de CD, les gros manuels. Que c'est loin. Vous voyez pas, mais il pleure presque. Non, en fait, ça, pour ce qui est, là, c'est vraiment une tendance qui se ressent, hein, du démat. On voit bien avec les constructeurs, les éditeurs qui vont vraiment sur cet aspect-là. On voit bien aussi en magasin. Récemment, je me suis rendu dans un Micromania. J'en ai parlé un petit peu avec les vendeurs qui me disaient justement, ils mettent du goodies parce que les ventes physiques sont vraiment en déclin. Ils se sont rendus compte de cet état, surtout l'année dernière pour les grosses sorties des gros blockbusters, Call of Duty, les FIFA et compagnie. Peu de ventes physiques, en tout cas dans leur magasin, et énormément de ventes des maths. Donc ça montre que les gens sont très consommateurs et rapidement, parce que finalement, souvent quand on a une version des maths, on peut la précharger avant, y jouer à minuit une, par exemple, je sais pas. Mm-hmm. La fibre. Ceux qui ont la fibre, ils n'ont pas besoin d'attendre un week-end pour télécharger leur jeu. Donc c'est ça. Donc évidemment, ça évite aussi qu'ils se déplacent ou qu'ils fassent la commande, qu'ils reçoivent le jeu, etc. Donc c'est vraiment pour aller au plus vite, et on voit bien que les gros blockbusters qui jouent notamment en ligne sont très consommés en démat. En même temps, eux, ils sont en ligne, donc de toute façon, que tu achètes le jeu en physique ou que tu le télécharges, dans tous les cas, tu es obligé de passer en ligne. Donc ça n'a plus aucun intérêt d'acheter ces jeux-là, en tout cas. Et comme ça a été rapidement le cas sur PC, on achetait notre CD, et en fait c'était un CD d'installation, et ensuite on n'avait plus besoin d'insérer notre CD dans la machine, avait à double-cliquer sur son logo et on avait son jeu. Moi, je me souviens, j'avais été très surpris. Je remonte un petit peu en arrière. C'était avec Half-Life 2 que j'avais acheté en boîte. Je me suis dit, pas de souci. Et j'installe le truc. Ils me disent d'installer Steam. Alors, pour moi, Steam, c'était très... Même problème pour Portal 2. Voilà. Je m'étais fait avoir à l'époque. C'était pareil. Vous prenez tous les jeux de leur chance box. À partir de là, c'était Steam obligatoire. Mm-hmm. Ouais. Voilà. C'est surprenant au début. Hein. Ça bouleverse un petit peu. Ah, on avait beaucoup gueulé à l'époque, comme aujourd'hui ça gueule sur l'Epic Game Store. Et au final, au bout de 2-3 ans... Et moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est qu'est-ce que vous en pensez à titre personnel. Et là, soyez purement dans votre opinion personnelle. Et ensuite, on élargit les choses. Moi, à titre personnel, je vais faire très court. Tant que c'est pas rendu, obligatoire, et là je pense surtout à Stadia, au streaming, etc. Mm-hmm. Parce que le dématérialisé, c'est fait, malheureusement. Il y a des avantages quand même aussi, il y a une baisse des prix des jeux quand même assez faramineuse. Hein. Tu parlais d'Half-Life 2, est-ce qu'à l'époque, si on t'avait dit, bah écoute, il y aura des soldes où tu pourras acheter des jeux à 5 euros, des gros AAA à 5 euros, tu n'aurais pas cru, maintenant non. C'est le cas. Bon, j'aime beaucoup GOG, et merci de dématérialiser aussi, d'avoir rendu cela possible, hein, parce que ça permet de jouer à des vieux jeux PC, de les trouver sur Internet et légalement. Donc voilà. Mais je pense surtout, moi, à l'avenir, et surtout Stadia, le streaming, etc., on va sans aucun doute en parler. Moi, malgré toutes les critiques que j'ai vis-à-vis de ça, mais aussi je comprends les avantages, je précise juste que tant que c'est pas rendu obligatoire, tant qu'on me dit pas c'est comme ça et pas autrement, bon, je reste pas trop critique. Voilà. Mais je me leurre pas, je suis pas dupe, tôt ou tard, on va finir par tomber dans des obligations, tout comme au début de Steam, on nous disait bon, bah, faut obligatoirement passer par Steam, il y avait encore les boîtes, etc. Au fil des ans, bon bah voilà où on en est au tout dématérialisé. Mais en fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que en soi, nous, on est une niche. Et ce qui définit les évolutions d'un marché, c'est le très grand public. Oui. Et si le très grand public décide de préférer consommer de telle ou telle manière, c'est eux qui vont définir les tendances du marché. C'est obligatoire. Ouais, mais t'as posé la question à titre personnel. Oui, non, donc mais je réponds à titre bien personnel. Sûr. Voilà. Et toi, Antoine, ben moi, que tu vois, je suis plus jeune que toi, donc je vais me permettre d'avoir une approche moins... Mais on est là pour ça. C'est ça, tu vois. C'est pour ça, moins old school que toi, tu vois. J'ai pas eu les disquettes, j'ai pas eu, etc. Moi, ouais, j'utilise pas, on en a parlé tout à l'heure. La prochaine fois, je me rase la barbe, c'est ça? Alors, donc moi, je suis totalement en faveur de la dématérialisation. Non, mais j'assume d'être un vieil ours, hein. Y a pas de problème, hein. Tu peux y aller. Y a aucun souci. Oui, wow, quelques mois, on a dit ça, je crois, au dernier, dernier podcast. Donc, je disais, moi, je suis totalement en faveur de la dématérialisation parce que pour moi, en fait, pas que au niveau du jeu vidéo, mais toute la société, on tend à y aller. Au niveau des études, le fait qu'il y ait des plateformes informatiques pour ses notes, pour ses résultats, pour les parents, pour discuter avec des enseignants. Ou pour se former. Hein. Pour se former, déjà on a ça. Au niveau de la santé, avec l'instauration du DMP en France, le dossier médical partagé. Au niveau de la justice, avec, moi je le dis, je suis en études de droit depuis le premier jour où je suis arrivé en études, on m'a dit, apprenez bien, apprenez machin, faut que vous fassiez des cours d'informatique, vous en aurez besoin. Oui. Au niveau des séries, avec l'arrivée Netflix, avec l'arrivée même au niveau musique, Deezer, Spotify. Oui, alors Spotify, c'est pas forcément à l'avantage des artistes, je tiens à le préciser. Hein. Voilà. Bah, je parle du démat. Spotify, c'est un sujet d'accord. Plus compliqué. Oui, oui, c'est plus compliqué. Pour faire très court, je suis d'accord avec tout ça. Je pose juste la question du choix. Voilà. Juste le choix. C'est sûr que la dématérialisation, ça a apporté plein de choses. Je suis entièrement d'accord avec toi. T'as cité Netflix. J'aime bien l'idée de Netflix, etc. Tant qu'on me laisse le choix, après, je vais prendre l'exemple d'un film très simple. Annihilation d'Alex Garland. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime le cinéma, j'aime la science-fiction et j'ai beaucoup aimé ce film. Et j'aime le réalisateur Alex Garland. Voilà, c'est la petite parenthèse. J'en vois un autre. Bon, ben voilà, hein, on va se serrer la main. Mais voilà, filmé, c'est pas voilà, mais le film, que pour voir vos gueules. Le film, non, mais le film a été sauvé par Netflix. Je vais pas raconter toute l'histoire de la production du film, mais ça a été sauvé en partie par Netflix. La fin a été sauvée par Netflix parce que le producteur de base voulait changer la fin. Ça aurait été une catastrophe. Voilà. Bon, j'étais obligé de le regarder sur Netflix. Ok, mais un an plus tard, le film est sorti en Blu-ray. Donc, tant qu'on me laisse le choix, moi, ça m'ennuie pas. Et je comprends tous les avantages. Je n'ai aucun souci avec ça. C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure. Tant qu'on me met pas dans l'obligation, je n'ai pas de problème. Le problème que j'ai avec la dématérialisation actuellement, notamment sur PC, et on va prendre Steam ou Epic Game Store, si tu achètes les jeux sur ces plateformes, tu es obligé de passer par ces plateformes. Tu n'es plus... Bah toi qui fais des études de droit, tu n'es plus propriétaire de ce que tu achètes. Et là, moi, ça m'ennuie. C'est pour ça que j'aime beaucoup GOG. Si j'achète un jeu sur GOG, je suis propriétaire du jeu. Voilà. Alors, je vais pas en faire ce que je veux, etc. Parce que j'ai quand même un minimum de respect aussi pour les artistes qui sont derrière, les développeurs, etc. Mais si j'achète un jeu sur Steam, je sais que c'est grossier de dire ça, mais si demain Steam meurt, le jeu, au revoir. Et ça, je n'aime pas. Justement, j'allais rebondir là-dessus avec toi, je suis totalement d'accord. D'accord. Avec cet argument qui m'a été tout à l'heure rappelé par ma copine qui est juste derrière. Bon, bah, je me suis voilà. Voilà. Le seul défaut, c'est vrai que de ce genre de plateforme, c'est que... On lève le rideau, il y a un public. C'est ça, on lève le rideau, il y a un public. Le seul défaut de ces plateformes, c'est que demain, exemple, je décide de cheater sur Terraria, exemple, tout bête, tout con. Je décide de cheater, je me fais bannir. Super, j'avais une collection de 300 bah, jeux. Tu respectes sur pas les règles, mon pote. Sur Terraria. Non, mais c'est un exemple. Non, mais c'est un exemple. Rue, hein, non, tu mais veux prendre Fortnite. Counter-Strike. Counter-Strike, c'est arrivé. Il y a eu beaucoup de bans sur Counter-Strike. Demain, j'ai ma collection de 300 jeux, boum, je perds 300 jeux, d'un coup, boum. Enfin. Je vais te citer un autre exemple encore plus problématique, encore plus concret. Il y a des jeux, tu les modes, t'es viré. Voilà. Ah. Ouais. Les jeux Electronic Arts, tu mets des mods, même juste, alors je sais pas si c'était un jeu Electronic Arts ou un autre jeu, tu mettais un filtre, parce qu'il existe des filtres aussi DirectX qui permettent de rendre les jeux plus colorés, mm-hmm. plus beaux, plus ternes, mm-hmm. ou autre, suivant comme tu veux, et c'est très efficace, voire même plus efficace que certains réglages. Si tu mets ça sur certains jeux, t'es viré, t'es pas... Ouais, mais ça, c'est des questions de propriété intellectuelle. Enfin, c'est comme un film, t'en fais pas ce que tu veux. T'as pas le droit de... Non, mais rajouter juste un filtre graphique. Mmh. Le mode, à la rigueur, je peux encore comprendre, parce que ça fait appel à modifier le programme du jeu. Je peux encore comprendre. Mais on atteint parfois certains sommets, sous prétexte de ceci ou cela. Bon, bah, ton filtre graphique, non. T'as pas, ou même, on a eu des jeux, alors ça a été corrigé, heureusement, mais on a eu des jeux, je sais plus lesquels, où même les mecs qui voulaient streamer ces jeux sur Twitch ou autre, ils étaient bannis parce que le logiciel, ils considéraient ça comme un logiciel tiers. Non, tu n'installes pas ça et tu dégages. Où on va ? Voilà. De mon côté, moi, pendant longtemps, j'aurais peut-être tenu plutôt le même discours que vous deux, et Fabien en attestera, pendant longtemps, j'étais très très attaché au format physique, et c'est de moins en moins le cas, en fait. Ouais. C'est... Tu changes, Alexis. Ouais. Tu changes. Je ne suis plus l'homme que j'étais. Non, mais le meilleur exemple, c'est celui du cinéma et de la musique, où pendant longtemps, j'ai acheté du Blu-ray parce que je voulais les meilleures esthétiques, des fois les bonus, etc. Et en fait, très rapidement, je me suis rendu compte que déjà économiquement, c'était beaucoup plus intéressant de passer par des plateformes où effectivement, on n'est pas propriétaire, type Netflix. T'as accès à un catalogue qui est beaucoup plus large, ça te revient moins cher, mais effectivement, tu n'as pas la possibilité derrière de le revendre, de le partager, etc. Ah, mais c'est un choix aussi. Après, bien sûr. Je suis cinéphile, j'aime beaucoup le cinéma, c'est pas pour autant que j'achète tous les films que je vois. Et c'est pour ça que j'apprécie des plateformes comme Netflix ou autres qui me permettent de voir des films que je ne connais pas, ou que j'ai pas forcément envie de voir, ou il y a des films que j'achète pas. Je suis allé voir le dernier Marvel, par exemple, parce que j'aime bien les Marvel, c'est des très bons divertissements. T'inquiète, non, je spoilerai pas, c'est pas mon genre, t'inquiète pas. Et à la fin, il... Ah, mais après, sans spoiler, il n'y a pas de grosse surprise. Il y a quand même des petites surprises dans le film, mais la façon dont se déroule l'histoire n'est pas surprenante. Voilà. Et me lancez pas sur une critique. On fera une émission spéciale rien que sur ce film, si tu veux. Non, mais me lancez pas sur une critique de ce virgule. Film. Parce qu'il y a plein de trucs. Sinon, on en a pour jusqu'à la fin des temps, c'est pas fini. Bon. Virgule. Mais ce que je voulais dire, je les achète pas. Par exemple, c'est typiquement les genres de films que je regarde une fois ou deux, mais je ne les achète pas parce que c'est pas des films qui me marquent plus que ça ou que j'estime qu'ils ne marquent pas plus que ça l'histoire du cinéma. Donc là aussi, c'est un choix, mais on a encore le choix. Voilà. Oui, après, moi, la seule chose que je regrette, c'est la plus-value que pouvait apporter certaines fois le format physique. Par exemple, dans le cinéma, c'était le making-of, les bonus, etc. et que là, on va perdre. Quoique, j'aborderai le sujet peut-être. Ouais, il y a des making-of que j'ai vus pour certains films, pour ce qu'il y a dedans, ça serait très bien passé. Ouais, mais des fois c'est hyper intéressant. Oui, mais des fois c'est très intéressant, mais à ce moment-là t'achètes les éditions collector. Et, oui, bien sûr. Si vous êtes fan du Seigneur des Anneaux, c'est sûr que les making-of de la trilogie du Seigneur des Anneaux, c'est une aventure à elle seule. Bien sûr, d'un côté, Alexis, là où je suis à la fois d'accord avec toi et à la fois pas d'accord avec toi, certes on perd les making-of, mais regarde, je te prends l'exemple de Kung Fury, le film qui a été fait entièrement, qui vient d'Internet, le bébé d'Internet, il a eu le droit à ses making-of, ils les ont diffusés dans une autre vidéo. Bien sûr. Donc finalement, est-ce qu'on les perd vraiment ? Ça arrivera peut-être. Non, mais voilà. Et en fait, ce que je voulais dire quant à mon enthousiasme, c'est que j'y vois plusieurs opportunités. La première, c'est d'avoir accès quand même à des catalogues qui sont beaucoup plus larges que les limitations qu'on peut avoir aujourd'hui économiquement. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne gagne pas des 1000 et des 100, acheter son jeu à... allez, au moment de la sortie, c'est quoi? C'est 60-70 €. 60-70 sur console, 40-50. Là, imaginons avec un Stadia qui coûterait 15 € par mois. T'as tout le catalogue. T'as tout le catalogue, dont les dernières sorties, type Netflix en fait. Et l'autre chose, c'est une facilité d'accès aussi. C'est-à-dire que, alors, Facilité d'accès, oui et non, parce que ça dépend... Si l'interface est bien faite, hein, parce que pour reprendre l'exemple de Steam, il y a tout et n'importe quoi, et l'interface n'a toujours pas changé d'ailleurs. L'ancienne, elle est ancienne. Hein. En fait, quand je parlais de facilité d'accès, je pensais plutôt à la localisation. Ah. Et en fait, maintenant que j'y pense, c'est pas totalement vrai, parce que ça dépendra aussi des connexions qu'on a, etc. Mais là, on sait que ça tend à s'améliorer avec l'arrivée de la 5G, etc. Ah oui, la 5G, la fibre va se démocratiser. Bon, voilà. Bien sûr. On avait les mêmes craintes au début de la dématérialisation, on va dire, du cinéma. Et puis bon, maintenant, voilà, on voit ce que ça... Et l'ouverture, tu vois, moi, je côtoie dans le cadre professionnel pas mal d'ados. Et quand je vois, par exemple, sur la musique et le cinéma, les références qu'ils peuvent avoir, c'est des références qu'on n'aurait pas eues à l'époque. Parce que... comme on avait nos 20 euros, on achetait un CD et c'était rien de plus. Là, eux vont avoir des fois la curiosité d'aller piocher ailleurs, découvrir de nouvelles choses. Et en fait, c'est peut-être pour ça que là où pendant longtemps, j'étais très embêté, je me disais, j'aime bien avoir mon objet, le prêter à mes potes, pouvoir éventuellement le revendre, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être plus forcément le cas. Et en plus, ce que j'y vois, c'est tout simplement une évolution des mentalités. C'est que, qu'on constate, c'est que c'est pas qu'une évolution technologique, mais c'est les gens pensent différemment. Quand on demande à des ados, qu'est-ce que tu préfères, ton DVD à 20 euros ou ton abonnement à 10 euros par mois, ils font très rapidement le choix de la seconde option. Et c'est pas seulement pour un aspect pratique, etc. C'est que ils réfléchissent autrement. Quand tu leur demandes ce qu'est un MP3, la moitié ne savent pas parce qu'ils n'ont jamais connu ça. Ils ont toujours connu YouTube, Spotify et autres. Et on le ressent ailleurs. Je lisais un article il y a quelques mois sur... Un coup de vieux dans la gueule, là, d'un coup. Non, mais c'est clair. Mais sur le marché du logement, je lisais un article sur le fait que les jeunes adultes, aujourd'hui, ne voulaient plus être propriétaires et préféraient être locataires. Finalement, c'est à mettre en parallèle aussi avec ça. C'est une évolution des mentalités, finalement. C'est même pas qu'une évolution technologique, etc. C'est ça, s'accompagne d'un phénomène qui est de société, à mon avis. Enfin, après, on peut sortir qui de l'œuf ou de la poule est arrivé en premier. Hein. Non, mais bien est-ce sûr, que c'est bien eux sûr. Qui ont changé d'avis ou est-ce qu'on les a poussés à changer d'avis? C'est une manière plus ou moins déguisée de dire que de toute manière, c'est dans cette direction que ça va et peu importe ce qu'on pense, on ne pourra pas y faire grand-chose. Non, mais tant qu'on me laisse mon libre arbitre, mon libre choix... Ce qui risque de se passer... C'est ce qui m'ennuie. Voilà, tu parlais d'avenir, ce qui m'ennuie, c'est qu'on me l'impose, c'est tout, voilà. Pour l'instant, je vais pas revenir sur l'exemple Netflix ou autre, pour l'instant, j'ai encore le choix, ne serait-ce qu'au cinéma, ou dans les jeux vidéo, ou même dans le dématérialisé, oui, j'achète beaucoup en dématérialisé, par exemple, sur la Switch, mais mes jeux sont sur ma carte SD, je peux les enlever, les retirer, je peux faire ce que je veux. À mon avis, le choix, tu l'auras, un petit peu comme c'est le cas aujourd'hui sur le marché de la musique, mais à très petite échelle. Généralement, le contre-exemple qu'on me donne quand je parle de ça, c'est le marché du vinyle. Bah, il est en train de revenir, mais ça reste de niche. Mais voilà, c'est un faux contre-exemple parce que c'est un marché de niche. Et en fait, ce qui risque de se passer sur le marché du jeu vidéo, c'est qu'on aura d'un côté une ou des plateformes très grand public où on souscrira un abonnement et on pourra chaque mois avoir ses nouveautés, etc. Et par contre, pour le passionné ultra-hardcore... Alors, on n'aura plus le jeu basique, mais par contre, on aura l'édition collector ultra léchée avec la figurine, ceci, cela. Parce que finalement, le vinyle, c'est une édition collector de la musique, oui, quoi. Oui. Enfin, c'est, Mais t'as déjà un peu ça, par exemple, je vois notamment les jeux indés qui sortent sur Switch. Ouais, carrément. T'as des jeux où, d'un moment, ils disent, écoutez, on va sortir une édition physique en édition limitée, etc. Complètement. Voilà, tout le monde saute dessus, au bout de 30 secondes, il n'y a plus de stock, c'est ça? Voilà. Et en fait, ils achètent en import. Tu sais, il y a Dragon Dogma, je m'y attendais pas, j'ai vu ça sur le forum Canard PC, est sorti uniquement en physique en Europe, en dématérialisé en Europe, pardon, mais la version physique, elle existe en import. Ils se jettent sur la version physique. C'est cet entre-deux qui va disparaître, c'est juste l'édition classique en physique, à mon avis, ça va disparaître. Par contre, on aura énormément de collecteurs, je pense, dans les années à venir. Surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les marchés de fans sont les meilleurs marchés. Alors, des bons collecteurs, s'il vous plaît, parce que les collecteurs à la Bethesda... Oui, non, mais bien sûr. Mais après, c'est embêtant aussi parce que... Je veux dire, bon, je vais prendre mon exemple. Ouais, le mec qui veut le physique sans le collector. Parce que le collector, ça prend de la place. Quand t'en prends 50, t'as plus de place dans ta pièce. Mais en fait, t'auras pas le choix. Regarde, tout à l'heure, on parlait d'exemple d'un film produit par Netflix qui sort sur Netflix et un an plus tard en DVD. Ça, demain, c'est fini. Demain, c'est fini. Là, ils le font parce que pour le moment, il y a encore des gens qui ont des lecteurs DVD, etc. Mais demain, tu voudras voir ton film Netflix, il faudra aller sur Netflix, nulle part ailleurs. Vous irez vous faire voir, sans moi. Mais oui, mais C'est ce que tu dis pour le moment, mais le jour où tous tes réalisateurs préférés seront financés par Netflix et que tu auras envie de voir ton film et qu'il sera dispo que sur Netflix, mais en fait, tu n'auras pas le choix. Et je sais que ça fait mal à entendre, mais c'est vers ça qu'on tend. Hein. Bah, si je veux le posséder, je passerai par d'autres cadres, mais je resterai... Et c'est pour ça que... Non, mais faut le dire aussi, je suis désolé, c'est un sujet tabou. Trop tabou à mon goût, parce qu'il faut en parler, c'est pas en le mettant sous le tapis qu'on va passer à côté. Le sujet du piratage ne devrait pas être tabou, faut en parler. C'est pas bien, hein, le piratage, hein. On est d'accord, c'est pas bien. Mais voilà, moi, si tu me dis pour le film que t'as cité, moi le film, de toute façon, j'ai fait l'effort d'aller le voir sur Netflix, hein, parce que je reste un minimum honnête quand même. Hein. Mais on m'aurait dit, il sort pas en Blu-ray ou autre... Bon, ça m'aurait fait chier, bah, quitte à le posséder, autant en avoir une copie. Et je m'en cache pas non plus. Bon, j'aurais peut-être le FBI, le CIA ou je sais pas quoi qui va débarquer chez moi ce soir. Mais j'ai des vieux films qui sont pas sortis en Blu-ray ou même en DVD que j'ai chez moi en téléchargé parce qu'on les trouve nulle part ailleurs. Je suis désolé de vous le dire. Mais d'ailleurs, et c'est pour ça que je dis que l'avenir, c'est d'un côté ça plus un marché du collector et du goodies, c'est que c'est sur les goodies qui vont se rattraper. Oh oui. Et c'est oui. déjà le cas. Le meilleur exemple, c'est Game of Thrones. Les mecs ont autorisé la diffusion pirate de leurs épisodes partout parce que derrière, ils vendent des t-shirts, des figurines, ils revendent des bouquins, etc. T'as qu'à regarder le nombre de cosplays en convention et tu verras. Ouais, non, mais voilà. C'est clairement, c'est dans cette direction que ça va. Et c'est pour ça que moi, quand vous parlez de cette bataille en ce moment des plateformes, bah en fait, moi, j'y vois un avantage. C'est que cette concurrence fait que, pour le moment... On n'a pas seulement un acteur qui impose sa loi à tous, comme c'est le cas sur d'autres marchés. Ah ben pendant un moment, on n'avait que Steam, c'est vrai. Oui, et en fait, moi, c'est pour ça que quand je vois ces batailles actuelles entre Valve, Epic, etc., bah, moi, je suis plutôt content, en fait. Ce qu'on est en train de voir, c'est les nouvelles guerres des consoles. Clairement, c'est quand même ça. Guerre des consoles sur une seule plateforme, quel PC, c'est quand même fou. Non mais pas forcément, parce que justement, il y a des indicateurs qui semblent montrer que peut-être que certaines plateformes seraient en gros multiplateformes et que Nintendo serait en train de se rapprocher. Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé vite fait. Et en fait, ce qu'on est en train de vivre avec ces fameuses guerres entre Valve, Epic, etc., c'est ce qu'on a connu à une époque entre Sega, Nintendo, etc. Sauf que aujourd'hui, ça se passe en format dématérialisé. Mmh. Mais c'est des batailles d'exclus, c'est des batailles de services, etc. C'est ce qu'on fait pendant longtemps, ces grands constructeurs. Mmh. Donc en fait, ce qui est assez drôle, c'est que ceux qui, justement, étaient très fanas de ces batailles de constructeurs en disant « Ah, je suis plutôt pro ceci, cela », aujourd'hui sont en train de râler parce que on a plein de plateformes sur PC, c'est exactement la même chose. Enfin, pour moi, c'est la même chose. Mmh. Mmh. C'est... bataille d'exclus, alors on a Epic qui nous annonce, bah voilà, nous on aura Borderlands en exclus, on rachète tel truc, etc. C'est ce que font déjà Sony. Juste une petite question, alors légèrement un petit peu trollesque entre guillemets. Non, mais vas-y. Mais tu sais comment Sony a gagné la guerre des consoles avec la PlayStation 4 dès quasiment le premier jour? Ben oui. C'est en disant, les mecs, vous pouvez acheter en physique vos jeux, puis vous pouvez les échanger. Alors que du côté de Microsoft, on mettait en avant le cloud gaming déjà à l'époque. Ouais, mais ça, c'est trop pédalage. Non, mais ça, c'est une réalité du marché d'il y a 7 ans, c'est en train de changer. Oui, mais c'est quand même... Oui. Regarde, là, malgré le fait qu'on ait le choix, le marché du démat se multiplie par deux. Donc, comme quoi, les constructeurs et les éditeurs n'ont même pas besoin de l'imposer, c'est les clients qui vont directement dans cette direction. Parce que les FIFA, les Call of Duty, tu les trouves en boutique. Ils se retrouvent même avec des stocks qu'ils n'arrivent pas à vendre. Mmh. C'est le consommateur qui fait le choix d'aller le télécharger. Donc finalement, là, pour moi, c'est même pas les éditeurs, etc., qui sont à blâmer. C'est que c'est une direction qui est choisie par le consommateur. C'est juste qu'il y a 6 ans, c'était trop tôt. Et aujourd'hui, clairement, ça a mûri dans les esprits. Après, je suis pas devin, on verra comment ça va tourner aussi. Bien sûr, si ça se trouve, on est complètement en train de se tromper et on va revenir à quelque chose... J'y crois pas trop. Hein. Franchement... Après, c'est pas le même investissement sur une série ou un film. On regarde une fois, généralement. Mm-hmm. On peut les regarder une deuxième fois. C'est plus rare. Un jeu vidéo, on va y consommer un certain nombre d'heures. Mais alors, dans ce cas-là, fais le parallèle avec le marché de la musique. Mmh. Aujourd'hui, un CD qui se vend à 10 000 exemplaires, c'est un carton monumental. Ah oui, c'est ça, ouais. C'est, Et par contre, en streaming, bah, tu regardes la sortie du dernier PNL, les gars, ils font 100 000 ventes en streaming. Vas-y. Désolé, mais la différence entre le CD et les autres trucs, c'est qu'en fait, les plateformes musicales, genre, en général, bah, y a tout ce qu'on veut et il n'y a pas vraiment de concurrence parce que tu cherches un CD, elle est sur toutes les plateformes connues, quoi. Ouais. Là-dessus, t'as assez raison. Parce qu'en fait, on a le choix de la plateforme et pas le choix du CD qu'on veut. Ouais. Parce que si on a une plateforme qui nous convient plus, bah, on va plus vers celle-là. Mais justement, ouais. À mon avis, l'enjeu à l'avenir, c'est que on ait en gros tous nos jeux sur les plateformes et on fasse chacun le choix de la plateforme qui nous intéresse. Malheureusement, comme l'objectif de chacun, c'est d'être le number one, pour le moment, c'est à l'achat de l'exclu. Mais comme ça a été le cas au début du marché de la musique, je sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, ça a été l'annonce de l'arrivée des Beatles sur les plateformes musicales et ça a été annoncé pendant une conférence Apple, comme quoi, pour la première fois, les Beatles arrivaient sur iTunes. Et ils se sont positionnés en numéro 1 de la plateforme d'écoute. Et du coup, les gens allaient sur iTunes et pas sur les autres plateformes. Même au niveau cinéma et série. Hein, bien sûr. Différentes plateformes qui mettent en avant. Voilà. On va avoir, par exemple, la chaîne de Disney. Et Disney, bah, vous aurez tout Marvel, ce qui est quand même un gros truc, et tout Star Wars. Voilà. Mais justement, malheureusement, c'est ce qui se passe aujourd'hui sur le marché de la musique. Est-ce que ce sera encore le cas demain? Est-ce que ce sera encore le cas demain? Parce que là, par exemple, pour le moment, effectivement, on a un peu ce Netflix qui est en position de leader, mais on sait que bah, Disney arrive avec toutes ses exclus, enfin, c'est Disney, c'est Star Wars, c'est Marvel, etc. Et la vont, Fox... Qui vont... C'est pas Apple, encore signé. Il y a Apple qui s'intéresse à ça. On sait que Amazon, avec son Prime, a envie aussi de plus s'installer. Et bref, non, mais ça fait plateau, non. On est en train de rediviser le truc et effectivement, la question qui va se poser, c'est pas est-ce que tous ces acteurs vont aller dans la direction de la musique, mais plutôt est-ce que la musique va pas finir comme ce qui est en train de se passer sur le marché. Il y a un autre petit sujet aussi. On sait pas. Tu parlais du prix tout à l'heure. Bien sûr. Voilà, 15 euros par mois, tu peux accéder à tous les jeux. Ok. Déjà, ça, j'ai envie de dire, c'est une vision assez optimiste des choses. Parce que ce qu'on assiste, notamment du côté du cinéma... ou surtout des séries, c'est aussi la multiplication des plateformes. Oui. Voilà. Donc moi, si je me retrouve à devoir payer 10 euros par une plateforme, 10 euros pour une autre, 10 euros pour une autre, etc., etc., etc., ça va pas le faire non plus. Mais regarde, aujourd'hui, t'as envie de jouer vraiment à l'offre de jeux vidéo, il faut que t'achètes une PS4, une Switch, un PC. Est-ce que l'un est plus souhaitable que l'autre? À mon avis, non. Effectivement, ce qu'on aimerait tous, ce serait en gros ce qui se passe sur le marché de la musique. À mon avis, pour le moment, il n'y a aucun indicateur qui va dans cette direction. Et en fait, ce qui est problématique, c'est que pour arriver vers ça, il y a deux possibilités. Soit vraiment le marché arrive à se poser et il y a un véritable dialogue entre tous les acteurs et du coup, les éditeurs font le choix de se positionner partout. C'est ce qui se passe sur le marché de la musique. En gros, moi, je suis artiste et comme mon objectif, c'est d'être écouté au maximum, ben, je vais aller à la fois chez Apple, chez Spotify, chez Deezer, etc. Ou sinon, il faut qu'il y en ait un qui se retrouve en situation de monopole. Mais généralement, on sait que quand il y a monopole, les tarifs... La question de fond, ça va être le modèle économique, de toute façon. Oui. Alors, pas à notre à notre échelle de simple joueur consommateur, parce qu'on en a déjà une petite idée de ce vers quoi on se tend, mais pour les studios, comment ça va se traduire? Parce que, on va prendre l'exemple Stadia, comment ils vont rémunérer les studios qui vont dépenser des millions voire peut-être bientôt des milliards. Enfin, j'ai cru comprendre que le prochain Halo allait complètement exploser les records de budget, a priori. C'est quand même assez dingue, j'aurais jamais pensé qu'on monterait aussi haut. Mais comment ils vont les financer? Alors, comment ça va se passer? Niveau musique, bon, je suis pas très mélomane, donc je ne connais pas très bien le domaine, mais est-ce que ça va jouer au nombre de joueurs, au nombre de... Enfin, j'allais dire de vues. Complètement. De vues, mais au nombre de joueurs. Mais ça va... d'accord, mais si ça se passe comme ça, va sûrement y avoir des travers aussi un petit peu bizarres tôt ou tard. Je sais pas, j'ai pas encore d'idée ou vraiment comment ça peut se passer. Mais voilà, va toujours avoir cette question... entre guillemets, et c'est là que ça me fait un petit peu peur, la question du modèle économique qui va surtout chercher à être avantageux pour les constructeurs, les studios, etc. Et je peux le comprendre dans le fond, mais moins pour les consommateurs au bout d'un moment. Ça aussi, c'est un petit peu la crainte, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis pas devin, mais aussi comment ça va être en pratique. Ah bah clairement, voilà. Ça va être que, y a la question aussi, plus de joueurs. Oui, mais la question aussi de mes données. Ah oui, la protection des données personnelles. La protection des données personnelles. Moi, si c'est pour venir trifouiller dans mon PC, merci, salut, au revoir. Et bon, c'est pareil, je disais tout à l'heure, faut se méfier des informations qu'on trouve ici et là pour l'Epic Game Store. Mais notamment sur ce sujet, il y a un certain débat. On se demande aussi qu'est-ce qu'il va récupérer comme données sur notre machine. Oui, et au-delà de ça, c'est... on sait que c'est déjà le cas sur à peu près toutes les plateformes culturelles en ligne. C'est que... tout est étudié à la seconde près. C'est combien de temps tu vas sur le film, alors, si c'est juste ça, regardes, si c'est juste ça, ça me dérange pas trop. Bah, moi, je le problème, d'un point de vue éthique, il y a quelque chose. C'est pas effectivement. Bah oui et non. On va prendre encore une fois. Bah de toute façon, on va toujours revenir à cet exemple de Netflix parce que c'est le plus concret. Annuellement, actuellement, est le plus connu. Ouais. Mais si c'est juste pour voir, bon, bah quel genre de film t'as regardé, quel genre de série t'as regardé, pendant combien de temps, etc. Ça fait partie de la plateforme où on peut se poser des questions éthiques, mais j'ai presque envie de dire ça passe à peu près. Ouais, voilà. Mais tu vois, par contre, si tu viens chercher dans mes dossiers, etc., ce que j'ai ou autre, ce que font certains logiciels, faut le rappeler, là, par contre, ça m'ennuie beaucoup plus. L'autre question aussi que je pose aussi, c'est d'un point de vue, artistique. Bon, tu me diras, on le voit déjà côté musique ou côté cinéma, notamment depuis que les chaînes de télévision se sont mis dans le financement du cinéma français. On voit ce que ça donne. Beaucoup de comédies françaises et très peu de films qui sortent du lot. C'est vraiment dommage. Bon, j'ai pas vu le film de Sous-marin. On m'a dit qu'il était très bon. Faudra que je le voie. Le Chant du loup, voilà. J'ai vu dernièrement Dans la brume. Un film d'anticipation, science-fiction, vraiment pas si mal que ça, et vraiment intéressant, il est à voir. Voilà. Mais c'est des cas très rares, et ce que je crains aussi dans ce genre de cas, que ça soit Netflix ou Stadia ou autre, c'est aussi ce qu'on dise, ou que les studios eux-mêmes se disent, bon bah écoutez, les mecs, en ce moment, ils jouent beaucoup à du Battle Royale, on va faire que du Battle Royale. Bon, mais moi, écoutez, j'aimais bien Unreal Tournament. Pourquoi je cite cet exemple? Parce que Epic Games, ils aiment Fortnite, bon bah on va faire que du Fortnite. Et non, ils tournent à monde, bah écoutez, on a été déjà bien gentil de vous sortir en bêta, mais maintenant on n'a plus rien à faire. On vous laisse le truc en l'état complètement délabré, voilà. Ça nous rapporte pas une thune. Bon, c'est... Mais oui, il y a la logique industrielle derrière, mais moi ça m'ennuie quand même. Aussi. Bah oui, mais c'est financer un mais truc. Mais d'un côté, ils vont pas se tirer une balle. Il y a des joueurs dessus. Mais c'est une minorité, ils veulent le but c'est d'aller chercher le gros poisson, tu vas pas jeter un énorme filet dans la mer si tu veux attraper trois pauvres trottes. Après vous avez tous rigolé quand j'ai dit il y a que des comédies françaises au cinéma, vous avez tout... bah oui, mais on a rien d'autre. Pourtant on est un pays, je suis désolé, culturellement on est un pays aussi de science-fiction, faut pas l'oublier, de fantastique. Oui, mais on a rien de tout ça au cinéma. Le c'est truc quand même c'est triste. Les personnes qui financent, ils se disent, bah, on a le choix entre produire telle chose qui va toucher 10 millions de personnes et l'autre qui vont toucher 500 000. Qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, mais ça, ils le savent pas non plus tant qu'ils n'ont pas essayé aussi. Enfin, là, on touche vraiment un point, c'est vrai, qui est très difficile à cerner, à être très précis dessus. J'en suis tout à fait conscient. Mais voilà aussi, il faut savoir prendre un peu de risque, et si on tombe dans une société, entre guillemets, qui refuse de prendre le moindre risque, on va jamais y arriver non plus. Et on rejoint aussi peut-être un petit peu le dossier en thème qui nous apprend certains trucs là-dessus, sur ce sujet, des décisions ou des indécisions, parce que Electronic Arts voulait faire les choses dans cette direction, parce que le marché va dans cette direction, puis résultat, on a eu un développement complètement chaotique et un jeu très décevant, pour rester gentil. Là-dessus, moi, je suis enthousiaste. Regarde, Netflix, aujourd'hui, il donne des moyens à des personnes qui n'arrivent pas à trouver des financements via les canaux classiques. C'est grâce à Netflix qu'on peut avoir du Roma, qu'on peut avoir du Okja et des films comme ça. Tant mieux. Qu'est-ce qu'il lancera pour le jeu vidéo? Ça aussi, c'est une crainte. Et c'est pour ça, là-dessus, je pense qu'on peut être optimiste. C'est que j'ai peut-être trop tendance à voir le pire avant de apprécier le meilleur. Par contre, là où moi je suis peut-être un peu plus regardant sur les questions de données personnelles, c'est effectivement, alors peut-être que la plateforme va aller fouiller dans l'ordi, mais visiblement, si c'est via des navigateurs, etc., normalement, il n'y a pas de raison. Genre, oui, Netflix va pas ton historique, si t'es, oui, si t'es pas aussi parano que moi, entre guillemets, ton historique, il reste accessible. Bien sûr. Mais par contre, chaque service que j'utilise fasse un portrait robot de moi, et c'est pas seulement pour des suggestions personnalisées. On a découvert récemment que Netflix, te change carrément la jaquette du film en fonction de ce que t'es le plus susceptible d'aimer. C'est-à-dire que pour un tel, il va mettre tel personnage un peu dénudé parce que ça va plus plaire, et un tel, ça va mettre le gros barbu. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange quand même derrière. C'est que... Oui, non, mais là, je suis... Je sais pas, moi, ça m'embête. En fait, et pourtant, c'est pas... Ce qu'on cite, c'est les exagérations qu'il peut y avoir derrière tout ça, en fait. Mm-hmm. Parce qu'au fond, ça part de bonnes intentions, ça part de bonnes idées sur lesquelles... Bah, excuse-moi, mais j'en reviens à l'idée 15€ tous les jeux. On reste d'accord sur ce point. Voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est que... de base, ce sont pas forcément des choses contre lesquelles on est fondamentalement contre. Le problème, c'est qu'on se doute qu'on va aller vers des exagérations, vers des extrêmes. J'ai cité Star Wars Battlefront 2, on a eu l'extrême des loot box, c'était pas nouveau. Pour la petite parenthèse, l'inventeur de la chose, c'est quand même Valve qui a commencé un peu les choses avec Team Fortress 2 notamment, ces histoires de chapeaux, etc. Puis ensuite, on est lentement parti vers les loot box. Ouais. Vas-y Fabien, tu voulais dire quelque chose? Non, mais moi je pense quand même que le problème de fond, enfin c'est quand même les données que les entreprises prennent sur nous et en font un business en fait. Oui. Netflix prend l'exagération, c'est ce que je veux dire par l'exagération. Ouais. Voilà, je veux dire qu'on récupère mes données entre guillemets. Je vais essayer de donner un exemple concret. Moi je suis fan de science-fiction, j'aime beaucoup la science-fiction, c'est ce que je préfère. Si après sur Netflix il me rajoute par exemple une petite colonne ou une petite ligne spéciale science-fiction parce que j'aime la science-fiction, parce qu'ils ont vu que je regardais beaucoup de la science-fiction, ok, pourquoi pas. Si on tend vers le changement de jacket parce que machin, moi je préfère les filles dénudées ou je préfère les gros barbus ou je sais pas quoi, vous mettez ce que vous voulez, on s'en fout. Bon, là, on est dans une exagération déjà qui commence à friser le débile, si j'ose dire. Ah ben oui. Et là, après, si on entre carrément dans l'espionnage de données, etc., avec les mecs, et ça se sait aussi, hein, qui revendent tes données, etc., entre entreprises, etc., là, on est dans ce que j'appellerais l'exagération, entre guillemets, qui est réelle et qui est un vrai problème également. Mm-hmm. C'est pour ça aussi que moi, sur mon ordinateur, je suis hyper parano. Mon navigateur est très fermé, etc. Bon, j'essaie de... Mais... Même, tu vois, sur les suggestions personnalisées, parce que généralement, c'est ce qui est mis en avant, c'est on étudie. C'est ce qui est mis en avant pour justifier la chose. Mais c'est un peu dommage, parce que effectivement, c'est toujours cool les suggestions personnalisées, parce qu'il y a assez peu de chances que tu sois déçu, c'est qu'on va te proposer quelque chose qui va te plaire. Mais à contrario, c'est un enfermement là où, normalement, l'idée de ces plateformes, c'est d'être une ouverture. Oui, comme j'ai dit, si ça concerne juste une ligne, entre guillemets, dans le menu, avec parmi tout le reste. Ça peut passer. Par contre, si c'est sûr que ça prend toute l'interface ou tout l'accueil, ça t'enlève toute une partie du catalogue, que t'es obligé d'aller chercher toi-même ou autre, et là, il y a un problème. Mais on sait que ce sera ça. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Ouais. Que ça soit niveau Netflix ou niveau jeux vidéo, etc., on va en arriver là, et ça va être un problème. Et c'est là-dessus que le physique avait un avantage, c'est que quand tu rentrais dans un magasin, entre guillemets, t'étais dans un espace neutre, c'est-à-dire que hormis le vendeur qui te connaissait un petit peu et qui était capable de te recommander quelque chose, globalement, t'avais un petit peu tout autour de toi et t'allais piocher. Alors forcément, il y a des choses qui étaient mises en avant, mais c'était pas spécifiquement les dernières pour sorties, toi. Voilà. Pas comme à l'époque dans les vidéoclubs, par exemple, pour le film. Bien sûr. Et l'avantage du vendeur, c'est que généralement, lui est capable de dire « Ah, mais t'as aimé ça, peut-être que tu aimeras ça. » Alors c'est différent, mais... Ça, les algorithmes ne font pas. C'est, t'as aimé ça, les autres ont aimé ça, donc tu vas aimer ça. Ou si la personne dit, c'est quoi ce jeu, ça m'a l'air intéressant, la jaquette me plaît, et puis le vendeur va dire, ah oui, mais vous jouez à quel jeu habituellement? Et pour moi, la grosse perte, c'est ça. La perte humaine. Après, le truc qui est beaucoup plus large, c'est qu'en gros, aujourd'hui, la tendance marketing, c'est de pousser le contenu à la personne. Ouais. C'est pour ça que même, bon, après, c'est un peu plus technique, je fais une mini parenthèse. Si je parle de retargeting, par exemple, sur le web, c'est que tu vas sur une boutique en ligne, par exemple, je sais pas, la Redoute, peu importe. Et tu vas voir des pulls et des jeans, tu prends pas, tu sors, tu vas sur Facebook, tu vas avoir des pubs sur les pulls et les jeans que t'as vu. Voilà. Il y a un problème là. Là, c'est vraiment, on sort un peu du cadre, mais. Non, mais c'est adaptable. Non, mais peut-être que t'auras ça dans les jeux vidéo aussi, justement, pour financer les studios, etc. T'auras, entre guillemets, peut-être de la pub ou je sais pas quoi. Ouais. À une époque aussi, par exemple, Ubisoft, alors ils l'ont fait à moitié envisageaient d'intégrer de la pub dans leur jeu. Alors quand c'était de la pub, c'était de la pub uniquement de leur propre produit, ça me dérangeait pas. Okay. Mais à un moment, ils avaient envisagé de mettre de la pub entre guillemets extra diégétique. Dans le jeu vidéo, c'était fait dans Second Life. Bah dans GTA 3 aussi, il y a des pubs Fanta. Et à l'époque dans Second Life, en fait, c'est plus ou moins le principe aussi économique de Pokémon Go. Hein. Oui. En gros, des professionnels pouvaient payer Nintendo. Enfin, là, on est dans un flou dans le sens où c'était un jeu à réalité augmentée. Oui, mais en gros, pour avoir un Pokéstop chez soi. Mais Ceci dit, il y en a d'autres qui ont gueulé pour pas en avoir. À la grande époque de Second Life, les marques payaient pour avoir des bannières publicitaires dans le jeu, etc. Et il y a même les partis politiques qui se positionnaient dans le jeu. C'était spécial, Second Life, pour ça. Ah bah, très ouais. spécial. C'est... Ouais. J'imagine bien, parce que politique sur World of Warcraft, là, t'aurais la horde qui viendrait l'écraser. Ah, là, rien que pour ça, moi, je me réabonne et je regarde la... et la dernière actualité sur le jeu vidéo, du coup, dématérialisé, c'est Stadia. Quel est votre avis pour le moment à chaud sur la question? Alors moi, je pense que ça va être une plateforme qui peut trouver son public, mais là, typiquement, je pense qu'il va, parce que de toute façon, il vise un public, un grand public. Comme il l'a expliqué tout à l'heure, la plupart des jeunes pensent à Netflix, etc. On a cité Netflix depuis tout à l'heure. Stadia s'inscrit tout à fait dans cette lignée. Donc, c'est un peu entre guillemets, c'est le Netflix du jeu vidéo. Enfin, bah, en fait, pour l'instant, on donnait ce titre à Xbox Game Pass parce que c'était un petit peu le seul qui faisait ça sur Xbox. Voilà, maintenant il y a Stadia qui arrive, c'est lui qui va prendre entre guillemets le terme de Netflix entre guillemets du jeu vidéo. Donc ça c'est sûr, il trouvera son public. Je serais pas dedans, je pense. Moi je suis pas dans la cible, je pense. Je vais regarder ça d'un œil éloigné, moi. Et voir comment. Ça... Très intéressé. Ah ouais, t'es intéressé. Très intéressé. Parce que le problème c'est que je suis jeune, j'utilise toujours Google Drive, je discute, on va dire le terme est un peu gros. Mon ordinateur discute avec mon téléphone, qui discute avec mon autre ordinateur. En gros, je partage tous mes données, toutes mes informations, tous mes dossiers via les clouds. J'utilise tout le temps tout. Si on me dit, tu peux commencer une partie sur ton téléphone, le continuer sur ton ordi. T'es dans le bus, tu peux continuer. T'arrives à la fac, tu peux continuer. Bah, avec sur mon petit ordinateur. Non mais, c'est justement ce que j'allais dire. Moi, le concept de la Switch, c'est pour ça que j'adore. Non mais je plaisantais. Nintendo, Nintendo a très bien compris aussi la direction que les jeunes veulent. Voilà, il y a une tendance, les jeunes veulent aller dans cette direction. Nintendo a suivi. Et moi je me dis, voilà, j'ai pas envie d'avoir un ordinateur monumental qui va me coûter littéralement 2 000-3 000 euros, j'en sais rien, tous les 3 ans. Parce que des fois tu dois changer les composants. Moi maintenant. Non mais je chipote, mais c'est-à-dire que... J'ai pas envie de dépenser une grosse quantité alors que je peux utiliser mon petit ordinateur, mon petit truc. Je peux avec littéralement 200 euros si j'achète un ordinateur, 100 si vraiment je prends en limite une tablette, pouvoir jouer au jeu auquel je veux jouer. Je vois mon streamer jouer, je me dis maintenant, je clique sur le lien en dessous, je lance le jeu, j'y suis, point. Je veux simple, je veux rapide, je veux efficace. C'est que avec un système comme ça, t'as pas besoin de racheter la nouvelle console pour être à jour. C'est-à-dire que automatiquement, tu seras toujours au maximum. Là, jusqu'à aujourd'hui, si tu voulais passer un nouveau cap en termes de capacité technique, graphique, etc., il fallait acheter la nouvelle console. Là, en gros, t'auras toujours ce qui se fait de mieux, peu importe sur quel environnement t'évolues. Effectivement, c'est le concept de la Switch poussé à son maximum. C'est-à-dire que là, vraiment, c'est absolument partout. Là où tu t'arrêtes, tu reprends. Enfin, c'est. Ouais, petite parenthèse quand même sur cet aspect-là. Tu devras changer ta machine entre guillemets, ton support plutôt tôt ou tard, parce qu'on le voit déjà avec les smartphones. Au bout d'un moment, tes smartphones ne sont plus. Je parle en termes logiciels. En termes logiciels, peuvent plus suivre. Voilà. Mais je pense que ton ordinateur, il sera moins vite fatigué. Que si par exemple t'avais un gros ordinateur sur lequel tu faisais tourner. Je suis d'accord. Mais je disais juste qu'au bout d'un moment tu seras peut-être entre guillemets obligé, mais pas tous les 3 ans. Comme tu disais, peut-être tous les 5, 7, 10 ans. Voilà. Même sans le jeu vidéo, les gens changent déjà régulièrement de smartphone par exemple ou de tablette. Donc en fait, t'as quand même une dépense supplémentaire qui est aujourd'hui celle de la console qui va disparaître. Et côté consommateur, économiquement, ça reste quand même plus intéressant. Pour essayer d'être un petit peu plus moins critique, un peu plus positif aussi, il y a la question un petit peu plus large qui se pose, entre guillemets, de l'écologie. Les consoles, écologiquement parlant, c'est un problème. Mais après, les serveurs de Google, pour faire tourner tout ça, Pas forcément, les mettre en Alaska, ça chauffe. Pas forcément. Tu peux réutiliser la chaleur pour chauffer en hiver. Certains le font. Il y a des moyens de réutiliser cette chaleur. Voilà. Est-ce que Google le fera ou pas? Ça, j'en sais rien. Je suis pas dans leur petit secret, mais il y a des moyens. Voilà. Mais, pareil, le sujet est le dématérialisé. C'est vrai que au début de ce thème, je faisais entre guillemets mon sniff parce que puis les livrets etc, mais bon, c'est vrai que les livrets c'était du papier machin, bon je peux comprendre aussi l'argument écologique qu'il peut y avoir derrière aujourd'hui. Voilà, pour essayer, le papier est très écologique, hein. C'est-à-dire que l'impact écologique du papier aujourd'hui est très faible parce qu'en fait, on a quasi plus que du papier recyclé. Les boîtes en plastique, le disque en plastique. Ah oui, par contre, les boîtes l'emballage. L'emballage, voilà. Mais quand on nous fait croire qu'on enlève les livrets pour des raisons écologiques, non, c'est pour des raisons économiques, mais pas écologiques. Bien sûr. Oui. Parce qu'aujourd'hui, l'industrie du papier a un impact qui est très très faible, notamment dans nos pays occidentaux, quoi. Surtout qu'on peut recycler le papier, bref. Mais voilà, encore une fois, moi, alors, comment j'envisage Stadia pour l'instant? Moi, je vais regarder ça tranquillement de loin, tout comme j'ai regardé Netflix tranquillement de loin. Je vais voir comment ça va évoluer, etc. Il y aura sans doute des polémiques, ça, je m'y attends aussi. T'es un patient user, quoi. Mais, comment dire? Moi, je comprends tous les arguments qu'on donne pour Stadia. Je suis absolument pas contre la facilité, etc. Et même moi, ça pourrait m'intéresser parce que j'ai aucune envie d'acheter les jeux AAA, machin, qui se suivent et se ressemblent. Voilà, tu parlais de ton coup de mou tout à l'heure. Moi, j'ai aucune envie d'acheter le dernier jeu Ubisoft. Ah, mais là, moi, pour tout avouer, malgré le fait que le service me semble très séduisant, bah en fait, vu qu'en ce moment il n'y a pas grand chose qui sort qui m'intéresse, oui, je voilà, mais même pas parce que. Et je trouve ça un peu tristou en fait. Mais pour rester dans le côté tarif, entre guillemets, donc, voilà, tu pourras toujours les essayer ou autre. Bon. Mais bon, moi j'ai regardé ça de loin et surtout, comme j'ai dit au début, moi tant qu'on me laisse le choix, ça ne me dérange pas. Mais c'est surtout les craintes de l'avenir, à l'avenir, comment ça va évoluer, c'est surtout ça qui m'inquiète. Et tu vois, par rapport au choix, je vais rebondir par rapport à une petite tendance qu'on a eue à un moment. Si je te prends l'exemple d'Amazon. Amazon, littéralement, t'achètes en ligne, on te l'amène chez toi. C'est un peu, je vais pas dire le concept du dématérialisé, je fais en très gros. Le transport dématérialisé. Voilà, je fais ça en très gros. C'est-à-dire, en fait, c'est ton magasin qui est dématérialisé. Oh, bientôt, t'as les drones qui vont venir chez toi. Sauf que, tu vois, on a eu Amazon qui est arrivé, qui a commencé à taper un peu sur tous les commerces. Donc, les centres-villes en souffrent, etc. Sauf que tu as eu une contre-attaque, tu as eu une contre-offensive. Par exemple, je prends l'exemple de la Fnac qui a dit, OK, il y a Amazon qui propose ça. Nous aussi, on a notre site web. Mais qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Mais si qu'est-ce qu'on peut faire? La livraison en une heure. Bouygues Telecom propose la même chose, Orange propose la même chose. Il y a la livraison en une heure. C'est-à-dire que moi, je pense que Stadia pourrait, hypothèse, proposer une alternative du « Ok, on peut te proposer notre service en ligne, pas de problème, mais peut-être que Stadia pourrait envisager peut-être un magasin ou alors des partenariats avec Cybercafé, je sais pas, pour par exemple mettre des machines plus lourdes. Par exemple, tu dis « J'ai envie de jouer avec mes copains », on se retrouve tel jour, telle heure, telle date. Là, tu proposes le choix. Alors là, tiens, tu viens de mettre... Je suis vraiment très hypothétique. Ce serait une bonne idée. Mais voilà, c'est-à-dire qu'il y a peut-être une fusion à faire entre les deux modèles. Ouais, mais tu parlais par exemple de Stadia, de Amazon et la Fnac. Une autre idée qui vient de surgir comme ça dans ma tête. On pourrait imaginer que Stadia dise bon, bah, on se met en partenariat avec la Fnac et la Fnac vend les versions physiques de nos jeux. On pourrait l'envisager, mais à ce moment-là, moi, j'aurais toujours le choix. Voilà. Ou alors, pourquoi comme je te disais, un partenariat avec les cybercafés, les cafés. Tous les bars qui sont autour de chez nous pourraient proposer des ordi. On peut envisager plein de choses. Voilà. Après, tu parlais de jouer avec des potes, etc. Alors là, on touche par contre un petit point technique, surtout avec l'e-sport qui prend de plus en plus d'importance. Là, par contre, le streaming en e-sport, avec même une mini latence, ça peut être problématique. Non, enfin, justement, le concept serait qu'il n'y ait pas de streaming sur ces machines-là, mais que grâce à ton compte, ça uniquement t'ouvre accès. Local. C'est ça. Voilà. Uniquement local, c'est-à-dire que grâce à ton compte, c'est comme je par exemple un compte universitaire. Moi par exemple j'ai un compte universitaire, là je suis à Quimper, je peux aller à Brest, mon compte fonctionnera, parce que les deux universités sont en collaboration. C'est-à-dire que je pense que grâce à ce compte-là, tu puisses aller dans différentes villes, dans différents endroits, tu peux l'utiliser chez toi, je peux accéder à ma messagerie étudiante chez moi, mais je peux aussi aller sur un ordinateur de mon université pour accéder directement à ce service-là. Je vais faire mon chier, mais pour que ce genre de truc arrive, il faut que ça soit à l'avantage. Ça faudra toujours que ce soit à l'avantage du constructeur, du studio, etc. Et c'est là le déséquilibre qui peut mener à plein de choses. Voilà. Après, ce genre de choses ne me déplairait pas, encore une fois. Non plus. Et tu vois, là, on rouvre encore les portes des LAN, qui est quand même... J'ai beau paraître être un vieil ours PC, machin, voilà. Mais c'est le cas. Je suis pas sectaire pour autant. Je joue aussi sur console. Ah non, pour le côté ours, ouais, ok, il n'y a pas de problème, mais... Je suis pas fermé pour autant, c'est pour ça que Stadia, je vais garder un œil dessus, parce que je reste, ne serait-ce que techniquement, technologiquement, par contre, ouais, je suis très intéressé pour l'idée technologique, d'autant qu'il y a eu des tests, des tentatives avant, plus ou moins réussies, je me souviens par exemple OnLive qui s'est complètement pris les pieds dans le tapis, et ça a été une catastrophe, C'était pas jouable. Shadow, ça fonctionne. Alors, mais il faut la connexion. C'est un peu du mal, apparemment, de fond. Alors, je sais pas si, à décoller, voilà. Mais apparemment, ça marche, tant mieux. Encore que l'idée est encore différente. Eux, ils proposent un ordinateur à distance. Te propose pas de jouer à des jeux à distance, te propose un ordinateur à distance. Et sur cet ordinateur, tu vas installer, par exemple, Steam, et tu vas acheter tes jeux Steam que tu vas lancer via cet ordinateur à distance. C'est encore différent. C'est un cloud, en fait. Hein. C'est un cloud gaming, complètement. Par définition. Cloud computing. Cloud computing, c'est plus juste. Voilà. On aime ou on n'aime pas, machin. Moi, j'ai regardé ça de loin. Bon, je me suis dit, moi, je préfère avoir mon PC chez moi, mais au moins, l'idée est bonne. Et surtout, ben, on n'est pas venu me dire, non, ben, maintenant, tu veux un PC, c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Et encore le choix. Je suis désolé de revenir sur cette idée de choix, mais tant qu'on laissera, aux gens un minimum de liberté de choisir, etc., moi, ça me dérange pas. Et je comprends tout à fait que toi, plus jeune que moi, tu sois plus intéressé par le fait que, bah, écoute, je démarre ma partie de, bon, on va dire Red Dead Redemption 2, voilà, chez moi, sur mon PC, si tant est qu'il sorte un jour sur PC, mais on continue de croiser les doigts. Bon, bah allez, je vais prendre ma Switch, ta tablette, tout ce que tu veux, et puis pendant le trajet en train, je vais continuer ma partie. J'arrive à l'université, je fais mes cours, pause de midi, j'ai fini de manger, j'ai encore une heure à m'emmerder, je continue ma partie sur mon smartphone ou autre, je reviens chez moi sur le PC, bon, ok, pourquoi pas, je comprends qu'on ait envie de ce genre de choses. Voilà, bon, après, tu me feras pas jouer à Red Dead Redemption sur un écran de smartphone ou de tablette, faut pas exagérer. Oui, clairement. Oui. Voilà, et tu parles à un gars, et pour pousser encore le côté vieil ours, tu parles à un gars qui joue sur un vidéoprojecteur, carrément. Hein, donc, Et encore, c'est ce qu'on est-ce que tu es au fond de cave? Il y a quelques années, on n'imaginait pas regarder des films sur un smartphone, et maintenant, c'est devenu d'une banalité. Et ce qu'on a oublié de dire, c'est notamment l'avantage marketing qu'a Google, c'est que leur vitrine publicitaire, ça va être YouTube. Alors, on l'a légèrement évoqué, mais YouTube, ça reste quand même le troisième site le plus fréquenté au monde. En gros, ça veut dire que dès que tu regarderas une vidéo de jeu vidéo, tu auras certainement ton bandeau Stadia en dessous, et que là, pour s'assurer un certain succès, voilà, ils ont tout gagné. Au-delà de... D'avance, ils savent... Ils ont la meilleure vitrine publicitaire du monde. Au-delà de toute critique, entre guillemets, ou polémique sur l'entreprise Google, on va mettre ça tout de suite de côté. Ils ont les capacités financières, ils ont les capacités technologiques, ils ont les capacités marketing. Ils ont tout ce qu'il faut pour Stadia et ils ont le public, hein, aussi. Hein, voilà, comme on disait tout à l'heure, il va trouver son public, c'est sûr et certain. Ça sera bon, alors je vais pas faire mon youtubeur qui balance des rumeurs à tout va sans les vérifier, mais ça va avoir un succès, c'est quasi assuré. Nostradamus a parlé. tant que tu cites pas d'autres personnes, notamment Madame Soleil. Non, notamment dans le jeu vidéo, qui font toujours des prédictions, qui te disent le nombre de fois que ces gens-là ont dit le PC va mourir, PC va mourir, PC va mourir, bah il est encore là le PC, donc. Après, et moi, je suis encore là. Comme le punk, PC is not dead. Mais il est toujours là. Bah ouais. Ouais. Et Epic Games, ça se trouve, malgré tout le bordel que c'est en train de foutre, le PC, bah, il continue. Bon. Le truc marrant, c'est, ça m'a toujours fait marrer depuis le début de l'annonce de la Stadia. Stadia, ça fait penser un peu à un nom de médicament. Bah, je sais pas pourquoi. Ah non, moi, ça fait penser à Stadium, un stade de foot. En fait, c'était ça à la base, parce que je crois que c'était pour le côté. FIFA. Exclu FIFA. Les gens se rassemblent autour d'une passion. C'est ça, en fait. Migraine, jouer à Stadia. Moi, je trouve le nom pas mal. Moi, j'aime bien. Prends un comprimé de Stadia. On se mettra à la pub. Proposé. T'aimes pas le nom, toi, Stadia? Bah, en fait, le nom me fait penser à un médicament. Donc, c'est assez. Moi, direct, j'ai pensé à Stadium, mais après, j'ai vu que ça venait de là, et puis, c'était le truc qui rassemble. Ouais, c'est ça. Puis, je sais pas, même à un moment donné, je l'ai prononcé un peu vite, j'ai dit Stevia. Tu vois? Ah. C'est la dyslexie qui a parlé. Ah là là, les vieux. Ouais. Voilà. Le groupe Stevia, tu vois, moins de sucre. Mais ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, puisque finalement, même si. On a le concept, on n'a pour le moment aucune image, on ne sait pas du tout à quoi va ressembler l'interface, etc. On a vu la manette, mais rien de plus. On n'a pas vu un aperçu. Non, c'était l'interface de présentation du projet, d'accord. Mais je ne crois pas qu'on ait vu l'interface. Pas encore. Après, je pense que c'est aussi parce que... C'est prématuré. Ils n'ont pas encore les licences, les machins. Ils ne les ont pas terminés. Honnêtement, le premier truc que je vais regarder, c'est comment fonctionne Doom. Non, mais vraiment, pour moi, c'est vraiment le crash test. Oui, c'est le crash test, c'est la démo technologique. Doom Eternal, comment ça va tourner avec Stadia? Je suis vraiment très curieux de savoir. Aussi bien du rendu visuel, mais aussi techniquement, quel débit ça va demander, quel framerate on va avoir, quelle résolution, est-ce que c'est fluide, est-ce que ça répond, etc. Vraiment, pour moi, le crash test, comme tu dis, c'est vraiment le prochain Doom. Mmh. Plus qu'un Assassin's Creed d'Ubisoft. Hein. Après, on avait déjà un petit peu vu ça dans la présentation de Google sur la plateforme. Donc, ils montraient une séance de gameplay sur Assassin's Creed Odyssey. Ouais. Et en fait, quand on zoomait bien un peu sur la manette par rapport à ce qui se passe sur l'écran, on se rendait compte que le mec, il galérait un peu parce qu'il y avait du lag. Alors, ça peut être aussi l'effet démo, et l'effet aussi perturbation réseau dans la salle dans laquelle il faisait. Parce qu'on sait qu'à chaque fois, quand il y a des conférences comme ça, il y a des petits soucis techniques parce que t'as 400 journalistes qui sont là connectés au Wi-Fi et compagnie. Bah oui. Non, mais après, ça, bon, dans ce genre de cas, moi, entre guillemets, j'en prends pas forcément beaucoup compte, dans le sens où voilà, il y a encore plusieurs mois avant que la technologie arrive. Ça sera vraiment quand ça sera au lancement, là je vais regarder bon, alors qu'est-ce que ça donne exactement, etc., les premiers tests. Voilà, c'est vraiment quand concrètement voilà. Après bon, dans d'autres cas, notamment les jeux vidéo et notamment le salon de l'E3 qui arrive bientôt. Ouais, j'avoue que tout ce qui se passe à l'E3, de toute façon, j'y crois pas. Hein. C'est tellement des phénomènes de lancement, des bandes annonces et compagnie. Ça fait longtemps que moi, tout ce qui est montré à l'E3, j'y crois plus. Hein. Et bon, les trois quarts du temps, c'est des vidéos et le mec fait semblant de jouer. Ça, on le sait. Voilà. c'est très dommage. Ou alors, t'avais les conférences Nintendo qui étaient toujours parfois à mourir de rire. Moi, je me souviens de celle avec la Wiimote qui était à mourir de rire. Ouais. T'avais la conférence Microsoft aussi avec le Kinect qui était absolument à mourir de rire. Mais c'était justement à cause de celle sur la Wii qu'ils avaient arrêté... Non, c'était pour la Wii U. Ouais. Moi, j'avais souvenir qu'ils avaient galéré Miyamoto Sur Zelda. Présentation de Zelda Skyward Sword. Vous voyez, ça marche bien. Pas. Et derrière lui, ça marchait pas. C'était affreux. Mais non, mais en fait... Et pourtant, la Wii, quand on l'a eu dans le salon, ça marchait à peu près. Ah ben, bien sûr. Ça marchait. Mais ils ont arrêté suite à la sortie de, enfin l'annonce de Nintendo Land où ils avaient en gros fait une grosse présentation de Nintendo Land sur Wii U et c'était devenu limite un mème, tout le monde se foutait de leur gueule sur Internet et suite à ça ils ont arrêté les conférences Nintendo Land. Ah ouais. Alors après en matière de rigolade, il reste parfois Ubisoft, mais bon. Ouais. Bon, ils jouent tous les ans sur l'accent français. Ils sont un peu calmes. Ah ouais. Si, il y a Devolver. Je viens de me souvenir, la seule conférence que j'attends à l'E3, c'est celle de Devolver. C'est toujours débile. Non, Bethesda. Devolver Digital, ouais, c'est vrai que c'est un éditeur un peu particulier. Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter sur cette dématérialisation du jeu vidéo? Non, bah, à voir comment ça va évoluer. Visiblement. Après, je crains pour l'avenir. Même si on a chacun des craintes un petit peu différentes, je pense qu'on est à peu près tous d'accord sur le fait que ça va dans cette direction. Bah, ouais. Et puis, il suffit presque de remonter un peu en arrière pour nous. Enfin, moi, je prends mon exemple. Avant, j'ai acheté mes CD de musique. Enfin, je prends toujours un peu. J'achetais aussi mes films, et aujourd'hui, en fait, très très peu, voire pas du tout. Bah c'est ça, longtemps ont été vraiment très attachés à ça, commencent à s'en détacher. Moi, je me suis rendu compte de ça il n'y a pas si longtemps. Mes collègues sont bibliothécaires, donc on est quand même attachés au format physique. Et j'ai des collègues qui consomment maintenant du Netflix. J'ai une collègue qui, pour le jeu vidéo, n'achète plus du tout de boîte et ne fait que d'acheter en ligne. Et tu te dis, si les bibliothécaires commencent à aller vers le numérique, c'est que tout le monde va y aller. un petit truc auquel ça me fait penser, et comme quoi aussi je suis un peu contradictoire quand même, je note quand même que malgré la dématérialisation, les livres n'ont pas disparu. Chez nous, parce que tu vas aux États-Unis, ils ont des bibliothèques où t'as plus un livre physique et tu viens avec ta clé USB. Les bandes dessinées sont toujours là aussi. Ouais. Néanmoins, moi, j'avoue, par contre, alors je suis pas un grand lecteur à la base. Hein. Bon, en même temps, peut pas être partout. Non, mais en même temps, je suis fils de projectionniste, donc moi, je suis tombé dans le cinéma étant petit, pas dans les bouquins. Hein. Donc voilà, je suis pas un grand lecteur et à l'école, on m'a pas aidé non plus à aimer lire. Et j'ai commencé vraiment à lire régulièrement grâce au dématérialisé. Donc, aussi, tu lis en démat, ok. Avec ma liseuse. Hein. Ok, ouais. D'accord. J'ai carrément acheté une liseuse et j'ai plein de trucs dessus. J'ai Lovecraft, Dune, plein de trucs de science-fiction, même des trucs que je n'ai pas encore lus. Les métros, par exemple, je les ai achetés, je ne les ai pas encore lus. Ah oui, les métros. Ouais. Mais voilà, après, là, ça fait un peu contradictoire avec le côté, ouais, mais moi j'aime bien le physique, que ce soit au cinéma ou en jeu vidéo, et pourtant mes livres, ouais, je les lis en e-book. Et t'es fan de GOG, donc mine de rien, t'aimes quand même le démat aussi. Ouais. Ouais, mais je suis libre avec GOG. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est. Bon, mais ça reste du démat. On va bientôt arrêter le podcast dans le sens où on commence à tourner en rond, même si c'est pas un petit moment. Mais voilà, encore une fois, GOG, je télécharge le jeu, je suis, entre guillemets, je suis propriétaire. Mm. Comme j'avais expliqué, vite fait au dernier podcast, Diablo, je l'ai acheté, il est sur mon PC fixe, je l'ai mis sur une clé USB, je l'ai mis sur mon PC portable, j'ai deux parties, quasi en parallèle sur deux machines différentes. Mm. Alors tu me diras avec Steam, ouais, tu peux faire ça aussi, t'installes Steam sur ta machine, etc. Ouais, mais je me sens pas aussi libre d'une certaine façon. Voilà. Après, encore une fois, le dématérialisé a permis GOG, a permis le rétro gaming. Donc aussi, voilà. Et puis, comme tu dis, la technologie a évolué. Tu parlais, par exemple, ouais, j'achète plus mes CD, etc. À l'époque, quand t'achetais tes CD, voire tes cassettes audio pour les plus vieux, oui, t'avais pas des clés. Des cartes mémoire capables d'embarquer plusieurs milliers, voire de millions de chansons. Mmh. T'avais pas ça non plus. Non. Voilà. Mais au fond, tes musiques que tu mets sur ta clé USB, sur ta carte SD, d'une certaine façon, c'est du physique, parce qu'elle est là. Oui. Tu l'as en main. Oui. T'as les données. Voilà. Si tu fais du streaming, tu n'as plus les données. Ça a un côté pratique. Mais tu ne l'as plus, entre guillemets, en main. Il y a ce petit côté-là. Alors, peut-être parce que moi, je suis né à une époque où le vinyle existait encore, où les cassettes audio existaient encore, où j'enregistrais les musiques à la radio, aux cassettes audio, où avec mon père, on veillait parfois tard le soir pour enregistrer en VHS. Donc voilà, moi, je suis né à une époque, oui, où... Bon, je suis né une année où Internet venait à peine de se découvrir. Je te parle d'un temps. D'un temps que les moins de 20 ans. J'avais en tête. Voilà. Mais, donc, c'est roleplay en même temps. Oui, il y a ça aussi, mais je suis pas, encore une fois, je suis pas sectaire, je suis pas absolument contre, mais l'histoire passée, l'histoire présente me font craindre que la façon dont ça va évoluer dans le futur, ça sera pas à l'avantage des joueurs consommateurs. Mm-hmm. C'est ma grande crainte. Est-ce que vous avez peut-être une dernière chose à ajouter sur la question de la dématérialisation dans le jeu vidéo ou pas du tout ? Je pense qu'on a pas mal fait le tour quand même. Ouais. Rendez-vous à la sortie de Stadia, peut-être pour en discuter un peu. Ouais, sinon, rendez-vous avis, d'ici 5 ans pour voir comment ça évolue. Comme d'habitude, on vous remercie d'avoir écouté ce podcast. On se donne rendez-vous le mois prochain, donc vous pouvez l'écouter... et le noter un petit peu partout, iTunes et compagnie. Bientôt le courrier des lecteurs. Oui, c'est vrai qu'on avait ouvert ça, mais je crois pas qu'on ait reçu de message spécifique. J'ai vu qu'on a fait pas mal d'écoutes, mais j'ai pas reçu de message concernant... N'hésitez pas à donner vos avis. Hein. C'est ça. Ouais, à s'exprimer et à faire part de vous. Tu vas avoir plein de messages, le vieil ours. Tu voulais dire quelque chose, non? Ah ok, je pensais. Le vieil ours, vous le dégagez. Ouais, pourquoi pas. Mais pourquoi la prochaine fois, il faut que tu viennes. La prochaine fois, il n'y a pas de souci. J'ai arrêté de lever le doigt pour parler. Oui, c'est clair. Comme d'habitude, on va vous proposer de choisir le sujet du prochain débat. On a présélectionné deux sujets et vous aurez la possibilité de voter. Le premier, concernant le patient gaming, on a un petit peu découvert ça grâce à toi, Duncan. En gros, c'est le fait... J'ai découvert ça grâce à Canard PC. Voilà. C'est le fait d'être patient et d'apprendre à attendre, de ne plus forcément acheter son jeu le jour de la sortie et peut-être le découvrir un petit peu plus tard. Ou pire, le précommander. Voilà. Et le deuxième sujet, c'est, on l'a déjà évoqué rapidement une fois, il n'avait pas été retenu, mais c'est un truc qui nous tient, enfin en tout cas moi qui me tient un peu à cœur, c'est quelle place et quel avenir pour l'e-sport. Voilà. Donc on vous laisse voter et on se retrouve le mois prochain. À plus. Ciao ciao. À plus.